Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 17e émission de Comic Stories. Et oui, une semaine après la précédente, c'est pas souvent que ça arrive en ce moment. Émission qui sera consacrée pour le coin des Padawans au label Vertigo. Avant ça, on fera quelques news comics, on vous parlera de nos dernières lectures et on aura également deux ou trois annonces concernant les séries et le cinéma. Avec moi aujourd'hui, exactement la même équipe que la semaine dernière, Léris, Salut. Byron, Salut. Arnaud. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Eh bien, je vous propose d'attaquer tout de suite par le Comics Corner. Comics Corner qui sera très court au niveau des news, puisque nous avons juste deux news et puis un petit retour sur les expos du moment. On va commencer avec Byron qui va nous parler d'une vidéo qui a été mise en ligne par Marvel. Oui, alors je vais vous parler du trailer d'Original Sin qui sera l'event de Marvel qui sera écrit par Jason Aaron et dessiné par Mike Deodato. Alors ils ont bien fait les choses en diffusant un trailer vidéo. Je pense que ça va être assez intéressant à suivre, mais j'espère que ça va pas trop toucher à la continuité ou remodifier les origines de certains héros, comme par exemple pour Spider-Man, pour ceux qui ont lu le numéro 1. Et je pense que et j'ai aussi hâte de voir l'original film de Deadpool, que j'attends pour ma part. Ouais, c'est presque celui qui fait le plus envie, puisqu'à la rigueur, c'est le seul sur lequel ils ont rien dit, en fait. Ouais, c'est je pense aussi celui qui touche le moins aussi peut-être à la continuité, et je pense que Deadpool, on peut faire beaucoup plus de choses dessus que par exemple pour Thor ou Spider-Man. Ouais, bah eux, pour le coup, leurs origines vont être bien retconnées. J'ai lu les deux premiers numéros, donc je vous en parlerai tout à l'heure, de Original Sin, enfin numéro 0 et numéro 1. La méthode des vidéos pour les events, c'est assez fréquent maintenant, depuis Avengers vs X-Men, je crois qu'ils font ça. Oui, ouais. Franchement, je trouve que c'est plutôt bien, enfin, ça donne plus envie, du coup, je trouve. Oui, ça fait un peu plus blockbuster, quoi. Ça fait un peu plus événementiel. Un événement pour Clément, qui va complètement bouleverser sa vie dans un peu moins d'un an. Mais non, pas tant que ça, mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Donc, la plupart des connaisseurs de comics connaissent Geoff Johns, et notamment Sauron sur Green Lantern, qui a commencé en 2004 et qui s'est achevé en 2013-14. Oh, 2013, va, allez. On va dire 2013. Je te le vends pour 2013. Vas-y, pour 2013. Et donc DC Comics a annoncé, ça doit être aujourd'hui, la sortie d'un omnibus, donc pour tout le run de Geoff Johns sur Green Lantern, ça sera la première partie, le 3 février 2015, ça sera un omnibus de 1008 pages, et pour le moment sur Amazon en précommande, ça serait pour $80. Donc voilà, ça vaut le prix et c'est du Geoff Johns, donc c'est très beau, d'autant plus qu'on sait très bien la qualité qu'il a fait sur Green Lantern. Oui, avant les New 52 en tout cas. Ouais. C'était pas mal quand même, après. Oui, le dernier, ouais. faut oublier les 19 premiers, je pense. Mais bon, après... Bah non, ça, ils sont pas mauvais les 19 premiers, disons qu'on pouvait s'attendre à mieux, quoi. Surtout à la fin, c'était assez décevant. Mais bon, bref. Ouais, on aura le temps d'en reparler peut-être pour une émission plus tard. Le run de Geoff Johns qui est déjà publié par Urban Comics, qui est quand même pas mal avancé. Donc après, à voir ce qu'il y aura dans cet omnibus. Et puis, si vous préférez plutôt la VO ou la VF. Puisque bon, au niveau des omnibus, les premiers tomes, ça sort vite. Mais après, pour avoir les volumes 2 des omnibus, c'est toujours la galère. Donc on verra. Pour ma part, est-ce qu'on verra ou est-ce qu'on verra pas les expositions Marvel et Star Wars qui sont en ce moment à Paris? Je les ai visitées hier. J'ai commencé par l'expo Star Wars. N'y allez pas. Voilà, je pense que ça peut se résumer à ça. N'y allez pas. C'est bidon. Ouais, c'est juste bidon. À ce point? Oui. Enfin, en fait, si tu veux voir des costumes, bah, tu peux y aller. Mais bon, voilà. Si tu veux voir des vidéos avec des extraits des films que tu connais déjà par cœur, tu peux y aller aussi. Oh, génial! Pas de problème. Mais le pire, c'est peut-être quand même l'expérience interactive qu'ils te vendent et qui justifie le prix de l'entrée, hein, quand même 22 ou 23 euros, je sais plus, enfin c'est hors de prix. Oui, 22 euros, ça fait mal. Donc ils te vendent ça comme tu vas pouvoir créer ton propre personnage Star Wars en répondant tout au long de l'exposition à des questions qui vont définir la personnalité de ton personnage, machin, tout ça. Ok, mais en fait, tu choisis toi-même tout. Tu choisis Non. la race de ton personnage, tu choisis de quelle planète il vient, tu choisis son métier, est-ce qu'il est un Jedi, machin, tout C'est de la ça. merde. Enfin, tu réponds à quelques questions sur ta propre personnalité à toi, mais qui n'ont aucune influence sur le personnage en lui-même. Et puis, on peut se dire, allez, selon ce que t'as répondu sur toi, peut-être que ça va influencer côté obscur ou pas côté obscur. Non, non, ça, tu le choisis aussi. Ah oui. Voilà. Ah ouais, c'est Et du puis vol. après, tu reçois par mail une magnifique photo de ton personnage avec toutes ses caractéristiques qui sont juste des copier-coller en fait de ce que tu as pu lire sur les écrans pendant l'expo. Et Donc chaque voilà. étape du truc où tu choisis la personnalité, les gènes ou ton éducation, ça, c'est l'occasion d'un petit film qui t'explique que la façon dont t'ont éduqué tes parents ou tes gènes ou ton entourage, ça influe sur ta vie à chaque fois. Et enfin, moi, donc j'ai vu l'Expo Star Wars aussi avant et j'étais très déçu aussi, mais Matt m'a pas écouté. Et enfin, pour moi, c'est pas du tout ce que j'étais allé voir en allant voir une Expo Star Wars. Disons que dans ces fameuses vidéos là dont tu parles, moi il y a un moment je me suis dit il n'y a pas Fred et Jamy qui vont débarquer parce qu'il manquait plus qu'eux, franchement c'était ouais bref voilà, ne claquez pas 20, plus de 20 balles pour ça, c'est ça vaut vraiment vraiment pas le coup. Par contre l'expo Marvel en ce moment au musée Art Ludique à Paris, c'est une tuerie monumentale. Celle-ci, Ah oui. il faut aller la voir. Déjà, elle est beaucoup moins chère. Alors moi, par contre, c'était un tarif FNAC. Je crois que c'était 12 euros, donc je sais pas exactement. Je vais pas regarder le tarif. Le plein tarif, soit être 13 ou 14 euros, mais pas plus. Bah, c'est une expo, ouais, qui retrace vraiment tout Marvel, en particulier les personnages qui ont été adaptés au cinéma. Hein, faut quand même reconnaître ça. Donc, on a des murs entiers avec des planches originales. De Jack Kirby entre autres, de Jim Lee, de Olivier Coipel, de Stahl Buscema, enfin voilà, enfin des noms qui font baver. On a plein de concept art sur les films qui sont visuellement juste éblouissants par Menarding notamment, celui qui fait la plupart des concept art pour les films. Et puis on a les objets des films. Le bouclier Ah de ouais. Captain America, le marteau de Thor, on a une moto d'Hydra, des répliques d'armes, le casque d'Iron Man, enfin plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Ça couvre au niveau cinéma jusqu'à Gardien de la Galaxie. Ah ouais. Voilà, Ouais, quand même. ça se termine par une salle sur l'univers cosmique, donc avec des concept art sur Thanos, sur l'équipe des Gardiens, un buste de Groot à tomber, et puis des petits extraits vidéo du fameux reportage qui avait été diffusé à la PCE l'année dernière, dont j'ai oublié le titre. Mais qui retrace un peu toute l'histoire des super-héros Marvel, avec notamment des interventions de Stan Lee. Donc voilà, une exposition qui respire la coolitude. Rien d'autre pour les news. Semaine très calme. Donc on va tout de suite passer à nos dernières lectures. Et on va commencer avec Léris. Alors, j'ai lu The Amazing Spider-Man 1, donc le numéro tant attendu, le comics le plus vendu de l'année, etc. Ouais. Alors, c'est plutôt décevant. Donc déjà, c'est 6 dollars, hein, et il y a beaucoup de choses dans ce numéro qui rappellent ce que j'ai critiqué la semaine dernière à Marvel. Donc pour 6 dollars, on a 20 pages de The Amazing Spider-Man 1, donc c'est ouais, à peu près totalement inintéressant. Enfin, juste ça sert à relancer le personnage, à dire que c'est Peter Parker qui revient et à montrer quelques trucs, mais enfin, à modifier aussi totalement dès la troisième page, non, la deuxième page, Oui, c'est avant la page de titre, je crois. ouais, Avant, ouais. la deuxième page. Les origines, enfin, c'est pas les origines qui sont modifiées, mais c'est un truc dans les origines. Voilà. C'est juste qu'il y a, enfin, c'est pas un spoil puisque c'est la deuxième page. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui est piqué par l'araignée qui a piqué Peter. Une fille, apparemment. Ouais. À part ça, enfin, déjà ça, ça peut être critiquable, enfin, c'est critiquable très clairement. Et sans ça, le reste du The Amazing Spider-Man 1, c'est pas particulièrement marrant. Enfin, les répliques de Spider-Man sont pas cinglantes, c'est pas vraiment vraiment cool. Enfin, voilà, ça sert juste à relancer le perso. Et à part ça, c'est tout le numéro une grosse preview en fait. C'est que des trucs pour vendre les séries de Marvel. Donc on a quelques pages sur un petit truc d'Electro avec Electro avec To Be Continued à la fin. Quelques pages de qui inclut la chatte noire. des personnages comme ça avec qu'on pourra retrouver dans tel numéro. Il y a Spider-Man 2099 aussi, nouvelle Ça, série. c'est cool. Ouais, Ça, ça, c'est cool. J'ai trouvé que c'était mieux parce que c'est avec les auteurs et les dessinateurs qui vont faire la série, donc on a un petit aperçu, quoi. et c'est plus sympa que le reste. Mais quand même, je trouve que globalement, c'est assez médiocre. Hein. C'est des bonus plutôt dispensables pour lesquels on paye. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Mais il n'y a pas de truc vraiment marquant dans le numéro. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Complètement. J'ai trouvé que pour un numéro 1, c'était moyen, quoi. Enfin, ça sert juste à poser les bases pour le mec qui vient et qui est nouveau, et voilà, c'est tout. Et à faire de la pub pour les autres séries. Ouais, voilà. Bon, en fait, c'est le principal reproche, c'est qu'en fait, ce qui me dégoûte un peu, c'est que le comics qui sera le plus vendu cette année, ça sera juste un gros catalogue de pub, quoi. 600 000 exemplaires pour ça. 600 000? Bah, de Ouais, précom Marvel la a annoncé précommande. 600 000 précommandes pour ça. C'est un peu gros Oh quand la même, vache! Donc, avec toutes les couvertures variantes et compagnie, ça m'étonne pas, hein. C'est comme le Walking Dead 100 il y a 2 ans, qui s'est vendu pareil, enfin 400, 500 000, je sais plus, mais pareil, parce que des gens avaient acheté toutes les couvertures variantes, donc ça fait gonfler les chiffres. Ouais. Et puis bah ouais, ces deux premières pages avec la grosse retcon là, de toute façon on les a vues dans les pages preview, je crois, ces deux pages là, donc tout le monde sait maintenant que Peter n'est pas le seul qui a été piqué par l'araignée. Bah Dan Slott qui chie un peu sur la continuité, quoi, et qui emmerde, enfin, qui dit clairement je vous emmerde, Spider-Man c'est moi, et bah voilà, je repars pour un nouveau volume et je fais ce que je veux. Et ça me... Ouais, ça me gêne un peu. Ouais, surtout que je trouvais que le numéro a été un peu lourd, enfin je sais pas, mais le voir perdre son costume comme ça et se balader à poil, Ouais, enfin c'est un peu. c'était... Il a un slip en toile. Oui, ouais, oui. Et graphiquement, c'est pas vraiment splendide, hein. Non, bah Ramos ça fait mieux, hein. Je trouve. Pour finir sur le numéro, donc à la fin, il y a le premier, il y a Inhuman, enfin, juste un truc, c'est que ben ça encore, c'est du foutage de gueule de foutre ça là-dedans. C'est que déjà, il est sorti avant, et donc tous ceux qui l'ont acheté, on les emmerde parce que on le redonne gratuitement là-dedans, on l'a pas demandé, et c'est encore faire une preview pour leur dire que ça va être génial, qu'il faut acheter ça, et que pour donner envie de l'acheter. D'ailleurs, il y a une double page dans le numéro qui parle de tous les trucs qui vont toucher, toutes les séries qui vont toucher Spider-Man dans l'année, en disant que c'est exceptionnel, que c'est mirifique, qu'il faut les lire et tout ça. Donc, globalement, l'impression est Ouais. assez négative. Je pense qu'ils ont mis Inhuman juste pour justifier la hausse de prix, je pense, ils ont dit. Bah, c'est C'est surtout pas mieux. qu'Inhuman ne s'est sûrement pas vendu et que c'est un gros problème pour Marvel parce que c'était un peu leur bannière après. Merde, comment ça s'appelait? Infinity? Infinity. Avec le retour des Inhumains, machin, tout ça sur le devant de la scène. Et je pense qu'Inhuman s'est pas vendu du tout comme il espérait et que du coup, bah. Quelle meilleure place pour faire découvrir Inhuman que le mettre dans le titre le plus vendu de l'année? Ben voilà. Donc on verra après les effets sur la série. Vu la qualité de l'épisode, je suis pas sûr que ça fasse exploser les ventes. Donc voilà. Mais ils avaient déjà fait le coup avec Elektra qu'ils avaient. Non, c'est Elektra? Non, c'est Black Widow numéro 1 qu'ils avaient mis dans un épisode de Spider-Man déjà, il y a pas longtemps, dans le supérieur. Ils avaient aussi offert, inclus à la suite de Spider-Man, l'épisode de Black Widow. Et alors là, on va passer à un personnage dont Clément est fan. Iron Fist. Vas-y, Iris. Ok, donc là par contre c'est un très bon premier numéro. Déjà graphiquement c'est vraiment vraiment très très joli. On a des pages de flashback vraiment super belles avec on a l'impression que le papier est vieilli. La mise en page est très bien réalisée. Les couleurs sont, enfin, surtout des couleurs rouges. Enfin, c'est pas pour les pages de flashback. Et c'est assez beau, et la narration est très très bien faite. Donc au début, comme pour tout premier numéro qui se respecte, on revient un petit peu sur les origines, donc à travers des flashbacks, ben, légèrement sur les origines d'Iron Fist. C'est super bien réalisé, donc on n'a pas vraiment de... C'est un premier numéro, on n'a pas de trucs exceptionnels qui se mettent en place, mais c'est vraiment un bon départ pour la série, je trouve. C'est très agréable à lire. C'est vraiment cool, le personnage... donc Danny Rand est plus sérieux, plus sombre que d'habitude, mais il a quand même des répliques assez cool et assez marrantes. Donc globalement, c'est vraiment très bon, je vous le conseille. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais Vraiment pas mal. Je l'ai pas encore lu, tout comme pas mal de titres du All New Marvel Now. Là, il y a trop de numéros 1 qui sortent en même temps, là, j'arrive plus à suivre. Mais ça faisait partie, ouais, de ceux, enfin, en tout cas d'après les pages preview, qui me semblaient assez jolis, je voulais y jeter un oeil. Mais ouais, c'est quoi? Byron, maintenant, encore une nouveauté chez DC cette fois. Oui, je vais vous parler de Batman Eternal numéro 5. Bah attends, d'abord je pense que je vais quand même faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé dans les précédents numéros. Alors ceux qui n'ont pas lu, hein, évidemment, vous pouvez Ouais. fermer vos oreilles, passer quelques minutes, puisque je pense que Byron va un peu spoiler. Bon, enfin, j'essaierai de rester soft quand même. Mais en gros, c'est la nouvelle série hebdomadaire. Donc chez DC, on va voir que le commissaire Gordon, il va être accusé à tort, et il va être mis en prison, et on va pouvoir assister au retour de Carmine Falcone, et on va voir à peu près tout l'ensemble de la Bat Family. On va voir qu'est-ce qu'ils ont prévu. On sait que par exemple, ça a déclenché le retour de Falcone a déclenché une guerre des gangs. Et alors dans le numéro 5 du coup? Dans le numéro 5, que j'ai trouvé vraiment très bon. Par contre, on voit peu de Batman. Il apparaît juste sur une page. Et c'est comme ça dans les autres aussi ou? Non, il était vraiment assez présent quand même dans les 4 premiers. Et là, dans le 5, vraiment, on va se pencher sur vraiment les autres personnes de la Bat Family. Et on va voir Vicky Vale qui va aller Oh. enquêter justement sur cette guerre de gang. Et elle va se faire attaquer et du coup, on va voir Harper Row qui va venir la défendre. Harper Row, notre nouveau personnage préféré, hein, Clément? Ah oui. Ouais. Au début, on voit Red Robin, Tim Drake. Ouais. On voit, ce qui est bien, c'est qu'on voit les répercussions des différents événements, comme par exemple Death in the Family, la mort de Damian et ce qui s'est passé dans Forever Evil. D'accord. Il y aura un petit dialogue comme ça avec Batman que j'ai trouvé vraiment, était vraiment réussi et on voit que ça n'a pas servi justement à rien. Ok, donc est-ce que ce titre aussi nous spoil la fin de Forever Evil qui est pas encore sorti? Oui. D'accord. Bravo Enfin non, DC. il fait juste une allusion à Dick. D'accord, oui, mais on connaît là, on sait ce qui lui est arrivé. Oui, ouais, voilà. Non, non, non, non, non. Ou ce qui lui est pas arrivé, enfin voilà, Oui, on ou ce connaît qui son lui est pas destin arrivé. final en tout cas, voilà. Oui, voilà. Ok. Mais il le mentionne juste dans une bulle, quoi, Bah ouais, mais bravo Mais DC, bon, quoi. ouais, voilà. Et le numéro était pas mal, mais après, il y a Andy Clark, le Ouais. dessinateur. J'ai trouvé vraiment moyen, enfin, surtout sur certains visages. Comme par exemple, je sais pas si certains ont lu, mais la Team Drake, il a la tête un peu allongée comme ça. Et certains visages, ils sont juste mal faits. Et il y a certains éléments, ils sont un peu what the fuck, quoi. Il y a genre Team Drake qui apparaît comme ça en plein milieu de la chambre de l'appartement d'Harper Row quand elle se fait attaquer. Enfin, c'est assez spécial. Mais la dernière case, elle était vraiment cool et du coup, elle pose beaucoup de questions. D'accord. Du coup, t'as lu les 5. Est-ce que l'histoire avance bien? Parce que moi, j'ai pas encore commencé. J'attends encore. Enfin, j'attends. Franchement, les 4 premiers numéros, oui. Après, la numéro 5, c'est pas que ça traîne en longueur, mais on s'intéresse plus aux personnages autour, en fait. D'accord. Parce que c'est la crainte que j'ai, en fait. Vu que c'est un titre hebdomadaire, je me dis, merde, on va peut-être avoir seulement un épisode par mois qui avance et le reste du temps, on va avoir du blabla et il va rien se passer. Mais il se passe quelque chose quand même dans tous les épisodes pour le moment. Ouais, franchement, en ce moment, pour tous les épisodes, il se passe quelque chose. Ok. Mais en tout cas, c'est bien et on voit que ça va pas se cantonner seulement à Batman et ça va toucher vraiment tout l'univers, quoi. Enfin, l'univers Batman, en tout cas. Ok, et à suivre alors. Ouais. À suivre, l'event de Marvel, justement, on en parlait tout à l'heure. Original Sin, qui est commencé, donc le numéro 1 est sorti cette semaine, le numéro 0 il y a 15 jours. Je les ai lus, donc je vais vous en parler rapidement. Le numéro 0 s'intitule Who is the Watcher? Et il est scénarisé par Mark Waid et dessiné par Jim Chang et Paco Medina. En gros, ça nous explique qui est le Watcher, le gardien, donc Watu. C'est une histoire entre Nova, enfin c'est Nova qui va voir le Watcher sur la Lune en fait pour essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Et Ouais, du ça, coup, j'avais lu ça aussi. Le numéro 0, je l'ai à travers ça, on en apprend un peu plus sur le Watcher et un peu plus sur Nova au Ouais, oui. passage. Hein, ils en profitent pour nous glisser un peu les origines de Nova et donner un petit peu envie d'aller lire le personnage. Après, l'histoire est pas, enfin c'est pas un numéro Non, c'était. grandiose. Mais je pense qu'il a été réalisé peut-être pour rendre l'event plus accessible, je pense, pour les nouveaux lecteurs. Oui, c'est bon, Mais c'est je pense. uniquement ça, hein, juste Oui, nous voilà. présenter qui est le personnage de Watu. Essayer de nous le rendre un peu. Enfin, moi, en fait, j'ai eu l'impression pendant 30 pages, enfin, je crois que c'est à peu près ça qui fait que le nombre de pages, qu'on essayait à tout prix de nous faire s'attacher à Watu et de nous le rendre humain, sympathique et de. Enfin, c'est trop rapide, quoi. Enfin, on peut pas en un numéro. Oui, Je pense que voilà, ouais, le but c'est de nous choquer, enfin de rendre la mort de Watu dans l'épisode 1 de Original Sin choquante parce qu'on s'était attaché au personnage, qu'on l'aimait bien et tout ça. Mais il faut plus qu'un numéro pour faire ça, pour obtenir ce résultat. C'est, enfin bref, c'est un peu bizarre quoi du coup. Bon, un numéro qui est pas inintéressant pour ceux qui connaissent pas le personnage et qui ne connaissent pas Nova. Pour les autres, c'est clairement inutile et enfin ils appellent ça Original Sin. Mais ça, enfin, ça en fait pas partie. L'histoire n'est pas du tout commencée là-dedans. Ça commence vraiment dans le numéro 1 qui est sorti cette semaine, qui s'appelle No One Is Watching et qui est cette fois scénarisé par Jason Aaron, qui s'occupera de tout l'event avec Mike Deodato au dessin. Bon, bah là, ça y est, on est dans le vif du sujet, hein. Ça, tout le monde le sait aussi. Ça a été annoncé, réannoncé. On le voit dans la bande-annonce vidéo dont vous a parlé Byron tout à l'heure. Watu, donc le gardien, est mort, il a été assassiné sur la Lune. Donc, Wolverine, Black Widow, Captain America, Thor, Iron Man et Nick Fury, le vieux Nick Fury, hein, pas le jeune Black, Ah, d'accord. se rendent sur la Lune donc pour commencer à enquêter et à essayer de voir un peu ce qui s'est passé. S'aperçoivent que le meurtrier en a profité pour dérober pas mal d'objets. Dont on avait vu quelques-uns dans le numéro 0. Ça peut être un intérêt du numéro 0, effectivement, c'est qu'on voit un peu les objets que Watu stockait, notamment l'Ultimate Nullifier, enfin des trucs comme ça. Enfin des bonnes grosses armes, Ouais. quoi. Et du coup, pour mener l'enquête, Nick Fury va créer quelques équipes qu'il va envoyer à différents endroits pour un peu aller interroger ou aller à la rencontre de différents suspects. Donc on a une équipe qui est avec Black Panther, Ant-Man et Emma Frost, une autre équipe avec Doctor Strange et le Punisher, et la troisième c'est Winter Soldier avec Moon Knight et Gamora. Donc des personnages un peu en arrière-plan de l'univers Marvel, mais qui ont un peu comme point commun d'être un peu, enfin de pas vraiment reculer devant grand-chose, quoi. C'est des personnages qui vont mener l'enquête et qui n'hésiteront pas à la mener de manière musclée, à mon avis. Donc ça peut être intéressant. On n'apprend pas grand-chose pour le moment, on a juste des premières pistes qui sont vraiment floues. L'enquête commence. C'est un numéro qui est assez intéressant, qui, enfin, voilà, qui donne un peu envie d'aller voir la suite. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, on va dire. Donc voilà, oui, un premier numéro plutôt sympa, à voir pour la suite. Bien, on en a terminé pour nos lectures de la semaine et pour le Comics Corner, on va passer en format sestière. Format sestière, donc, avec seulement trois news. La première par Byron. Oui, alors je vais vous parler du dernier trailer d'Arrow pour le dernier épisode. Alors, on voit pas grand-chose, mais en même temps, ça laisse présager beaucoup d'action. Spoilers. Spoilers. Spoilers. On voit la grosse image que je retiendrai, c'est la Ligue des Assassins qui va s'associer à la Arrow Team pour justement en finir avec Slade. Ce trailer, j'attends le dernier épisode avec impatience. Alors du coup, qui est à jour? Qui a vu Moi. l'avant-dernier là? Donc Moi. Clément, Arnaud, Byron, Non. non, moi non plus. Léris, tu regardes pas les séries. Non. Je rejoins Byron sur ce point-là. Ça annonce du très lourd pour la suite. Rien que parce que déjà avec l'épisode de cette semaine, ça annonce quand même de très fortes choses. J'ai vu le trailer et j'ai sautillé sur mon siège quand j'ai vu le trailer. Et sinon, bon. Mine de rien, même par rapport aux autres épisodes, on sent les influences pour faire ce scénario. Et en fait, ouais, mais par contre, le seul reproche que je ferai, ah oui, je fais un reproche, c'est qu'en fait, j'ai quand même l'impression qu'ils sont pas trop foulés. Bah, c'est un peu en fait la même construction que la saison La 1. fin de la saison 1, C'est oui. exactement La ville en la danger, même construction que exactement la même saison chose. 1 en fait. C'est exactement la même chose. Ça me dérange un peu, mais N'empêche que ça fonctionne ça fonctionne très bien, les épisodes sont excellents, mais là ça me dérange un peu, tu peux quand même faire un gros parallèle avec la saison 1, même si comme on le disait en off, je crois que cette saison 2, et les épisodes le confirment, on n'a pas attendu la fin de la saison pour le dire, que ça s'inscrit vachement dans un aspect, on va dire, entre guillemets, mythologique. Donc non, vraiment, si vous voulez garder toute la surprise, ne regardez pas le teaser de l'épisode final, mais si au début, si avec l'épisode là de cette semaine, vous disiez, non, mais je veux pas savoir la fin en fait, et ben regardez le teaser et vous allez avoir qu'une envie, c'est d'être la semaine prochaine et de savoir comment tout ça se termine. Parce que honnêtement, le teaser fait son effet et franchement, j'ai hâte quoi. Je me demande dans quelle est une claque supérieure à ce qu'ils avaient fait avec le season final de la saison 1 quand même, qui avait été assez balèze. De toute façon, on en reparle la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous ferons le bilan des trois séries en fin de saison. Donc on parlera de la fin de Walking Dead, la fin de Arrow et la fin de Agents of S.H.I.E.L.D., puisque tout sera terminé la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on fera le bilan de tout ça. Eh bien, Clément, tu avais la parole, tu vas pouvoir la reprendre et la garder, puisque tu vas nous parler du prochain animé d'ici à ouais, venir. Ouais, ouais. Donc DC a annoncé ça, donc ça sera Batman Assault on Arkham. J'ai un accent de merde, mais c'est pas grave. Donc il va sortir en Blu-ray DVD le 12 août aux USA. Donc on peut juger que ça sortira quelques semaines ou voire quelques mois plus tard en France. Et ça se déroulera dans l'univers des jeux vidéo Arkham. Youhou. Donc, voilà. De quoi ? J'ai dit youhou. Ouais. Youhou, pourquoi faire ? Ouais, Bon, ça me fait pas rêver, moi. Ça... Moi non plus. Même si les jeux vidéo Arkham sont très bons, Non, j'aurais préféré qu'ils adaptent d'autres films, d'autres comics, quand même. Ouais. Bah, personnellement, j'aurais préféré plus d'abord adapter d'autres arcs, comme on l'a dit la dernière fois, peut-être la cour des hiboux ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Ouais, plutôt ouais. Plutôt que ça, tout de suite. Exactement. Ouais, ou même, genre, un long Halloween ou des conneries comme ça, quoi. Ouais, voilà. Enfin, les arcs cultes. Ouais, il y a tellement de choses à faire déjà sur les comics que partir d'un jeu vidéo. Alors, oui, peut-être que le jeu vidéo est sympa, mais on s'en fout quoi. Enfin... Faire une histoire sur à partir de ça. Il y a eu un magnifique comics Gods Are Among Us tiré du jeu vidéo, splendide, qui a fait plein de bruit d'ailleurs. Oui, alors le comics Injustice God Among Us, là, qui est complémentaire au jeu vidéo, j'en ai lu pas mal de bien, j'ai lu quelques épisodes, c'est sympa, enfin voilà quoi. C'est... Ouais, moi ça me paraît un peu indispensable, genre tout le monde s'en fout aussi quoi, ça va être la même chose. Oui voilà, si on s'en fout, enfin, pas d'intérêt quoi. Je vous en parlais la semaine dernière, Gotham arrive sur la Fox, cette fois c'est officiel, ça a été confirmé par la Fox dans la nuit de lundi à mardi, juste avant la diffusion de 24, avec le retour de Jack Bauer. Tout simplement parce qu'ils avaient prévu de diffuser un trailer pour la série pendant les coupures pub de 24. Ce qui est pas mal joué. Ils ont un peu pris tout le monde de court puisqu'ils ont annoncé ça au dernier moment. Attention, on a commandé Gotham et on va vous montrer un trailer pendant l'épisode de 24. J'ai regardé le trailer. Je pense que je suis pas le seul dans l'équipe. Non. J'ai choisi de vous en parler puisque la semaine dernière, je vous exprimais mes craintes de voir un Smallville Vampire Academy ou je sais pas comment j'avais appelé ça. Une partie des craintes est effacée par ce trailer. Exactement pareil pour moi. Mais seulement une partie, parce que quand même. Je sais pas, moi le côté adulte, j'ai trouvé ça vraiment bien et que ça allait vraiment bien. Ça me donnait envie. C'est le côté gosse qui fait peur. Ouais, voilà, tous les enfants, le côté gosse, franchement, la deuxième partie, je l'ai moins aimé. Pareil. Parce que tous les où on voit on voit tous les personnages, on voit Enigma, le pingouin et tout. Enfin, ça, pour moi, j'ai pas trop changé d'avis. Je pense que ça va peut-être se passer comme ça aussi. Ouais. Alors moi, ce qui m'a rassuré dans l'histoire, c'est déjà l'ambiance. Ça a l'air quand même assez sombre. Ouais. Assez dark. L'ambiance sonore aussi, j'ai trouvé sympa. Que ce soit le fond musical ou même, les quelques sons qu'on peut entendre, j'ai trouvé ça. Ça collait assez à ce qu'on voyait à l'image. Et ce qui m'a un petit peu rassuré, c'est sur la toute fin du trailer, quand on voit cette partie Before Batman, Before Catwoman, Before, etc., etc., il y avait Gotham. Et je me suis dit, la ville va être vachement mise au premier plan. On va plus s'intéresser à la ville et en nous disant Before Batman, Before et tous les noms des personnages dans les comics, c'est peut-être une manière de nous dire on n'en parlera pas. Et on va s'intéresser à la ville et aux personnages, enfin voilà. Bon, Parce que enfin, moi, enfant, je on n'en pense. parlera pas parce qu'on a quand même vu la Catwoman en costume, quoi. Oui, voilà. Ouais, est-ce que c'est vraiment un costume? Enfin, je sais pas. Non, je suis pas perçu. Moi, j'ai un peu peur quand même qu'il s'accentue vachement sur les personnages que j'ai. Enfin, les personnages, les gosses, quoi. Ça me dérange un peu, ça me fait peur maintenant. Comme tu le dis, j'espère vraiment qu'ils vont se focaliser quand même davantage sur la ville, parce qu'en fait, c'est ça le plus intéressant, c'est plutôt sur la ville. Après, l'aspect au niveau des acteurs, pour le moment, c'est un trailer. Ça a l'air plutôt pas mal. Comme tu l'as dit, l'ambiance a l'air assez sombre, assez dark. Et certains personnages ont l'air plutôt bien. Je pense notamment à Jim Gordon, l'acteur a l'air plutôt bon dans le pilote. On verra bien. Et même le pingouin. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui ça a du potentiel en tout cas. Maintenant, à voir comment ils vont le faire, mais ça éveille ma curiosité, même si j'ai quand même peur. J'ai pas envie qu'ils s'attardent sur tous les gosses qui seront amenés à devenir des bad guys, etc. quoi. Il s'appelle Bruno Heller, je crois que c'est son nom, celui qui va être showrunner sur la série. Oui. Il a donné une interview et dedans il explique que. Alors, déjà, la série sera feuilletonnante, ce sera pas un procédural avec une enquête par semaine. Ah, Il y ça aura c'est bien bien. sûr quelques éléments comme ça, mais ce sera pas une enquête par semaine, il y aura vraiment du feuilletonnant. Et les gens qui ont lu le script ont dit que c'était très violent. J'étais même très étonné que ça arrive sur un network comme la Fox, parce que c'est très violent. Donc c'est vraiment l'ambiance qu'on voit dans la bande-annonce, l'ambiance dark qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on va avoir. Et par contre, pour les personnages, ils disent que c'est exactement ce qu'on nous avait dit pendant le développement. C'est vraiment, ils vont nous présenter des personnages avant de devenir ce qu'ils sont. Ils vont nous mettre Selina avant qu'elle devienne Catwoman, ils vont nous montrer le pingouin, ils vont nous montrer tel personnage avant qu'il devienne tel super vilain ou autre. Ouais. Et Enfin, j'aime. franchement, autant le pingouin, je peux comprendre parce que ça peut être intéressant de voir comment il va devenir vraiment, on va dire entre guillemets, un parrain du crime. Mais franchement, Poison Ivy, honnêtement, je m'en fous, quoi. Ah oui, non, mais il va y avoir le Ça peut être autre. pingouin, l'homme mystère, il va y avoir une jeune Catwoman, Riddler, ça peut être intéressant, franchement. Il y aura Alfred, il y aura peut-être Harvey Dent, il y aura Poison Ivy et plein d'autres encore. Enfin, ouais, c'est Et oui. puis bien sûr, ils disent bien sûr que, enfin, ils n'en parlent pas pour l'instant, pas pour la saison 1, mais ils disent qu'à terme, il y aura le Joker aussi, puisque c'est le grand ennemi de Mais c'est Batman. absurde. C'est Ouais, ça absurde. pour le coup c'est bizarre quand même. Le Joker, c'est The Killing Joke, ses origines. Et... Bah voilà. Ah, peut-être qu'ils vont justement adapter ça. Enfin, ils vont Mais essayer non, de. mais tu peux pas mettre le Et donc, Joker dans l'enfance de donc, Batman, à mon quoi. avis, Non, ce mais je qu'ils pense vont qu'ils vont faire, peut-être c'est faire justement, ils vont amener ses origines. Ce sera pas le Joker, ce sera le criminel qui va devenir le Joker. C'est comme ça Ouais, qu'ils vont ou voir. peut-être qu'on va faire un. Ils verront un caméo avec l'artiste qui sera, quoi. Comme Mais dans Killing Joke, pas maquillé, pas comme il est déjà maintenant. faut encore tout petit. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que, enfin, c'est pas, ça a pas l'air d'être comment ils étaient avant. C'est juste les mêmes en plus petit, quoi. Poison Ivy qui adore les plantes et qui a l'air bizarre. Selina Kyle qui aimait se balader en cuir sur les toits. Sur les murs et tout, ouais. Bah c'est ouais, c'est un peu ce que je crains aussi, c'est que comme tu dis, le risque c'est qu'on ait les mêmes en petit. Et à la rigueur qu'on nous présente les Edward Nigma, qu'on nous présente Oswald Cobblepot, pourquoi pas, parce que eux, leur évolution pour devenir ce qu'ils sont dans les comics en tant que méchants, c'est une évolution au long cours. C'est vraiment que des choses qui. Enfin voilà, Oswald Cobblepot, effectivement, son ascension, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Nigma, s'il est devenu complètement taré, c'est pas non plus du jour au lendemain. Par contre, Poison Ivy, ses origines, elles sont assez subites, donc quel est l'intérêt de nous faire voir son Oui, enfance? c'est ça. C'est effectivement assez inquiétant, donc on verra. On a l'été à attendre, et puis on sait maintenant que fin septembre, a priori, on aura le pilote pour se faire un premier avis. Et donc on va terminer, puisqu'une news est tombée là pendant qu'on enregistrait cette partie, on va terminer finalement notre format sestiaire par une dernière annonce. Arnaud, je te laisse le faire. Alors, c'est la période des pré-upfront, et donc où la CW nous a fait deux beaux cadeaux. Elle a commandé The Flash, le spin-off de Arrow, donc on retrouvera Ren Gustin qu'on a vu dans deux épisodes de la saison 2 d'Arrow. Donc je pense que Clément va être content déjà. Ouais. Voilà Clément, voilà. Voilà. Clément, il est puis tout le monde, je pense que. Je pense qu'il va commencer à se toucher dès qu'on aura terminé l'émission. Ah non. Mais non. Non, mais en même temps, c'est pas surprenant. Non, c'est pas surprenant, mais et c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que c'est la seule annonce alors? Et non, et on va en parler tout à l'heure puisque c'est une série de Vertigo. C'est l'adaptation de iZombie par Rob Thomas, donc le créateur de Veronica Mars. Et donc pour parler un petit peu vite fait de l'histoire, c'est une étudiante de médecine qui est transformée en zombie et elle est obligée de manger des cerveaux et du coup en mangeant ces cerveaux, elle obtient la mémoire des cadavres, enfin des personnes qui sont mortes. Et avec ces souvenirs-là, elle essaye de résoudre les enquêtes, de savoir qui a tué ces personnes. Ok. Et ben voilà, de bonnes nouvelles de la part de la CW. J'aurais été il y a 2 ans un peu inquiet à cette annonce, mais maintenant que je vois ce qu'ils ont réussi à faire avec Arrow, je suis plutôt satisfait. Et puis avec iZombie, encore plus qu'avec Arrow, ils s'adressent définitivement à un autre public que par le passé. Ouais. Adieu. C'est vrai. Coucou Smallville. Bah, oui, coucou Vampire Diaries, coucou tout le reste quoi. Ouais. T'as pas vu les autres commandes de série aussi hein. Ils ont commandé Jane the Virgin. Ouais, mais ça de quoi pas... Quoi Jane the Virgin, donc Jane la pucelle. C'est en fait une religieuse latine qui se retrouve inséminée artificiellement par accident. Donc, à la fois ils essayent de faire des trucs What the fuck Arrow, et en même temps ils essayent de faire des ils retournent dans leur problèmes dans leur série pour ados, pour prépubères. Ah ouais, mais là... Il y a les deux. Là, c'est... Ah, mais c'est adapté d'un soap vénézuélien, donc c'est un peu what the fuck. Ah, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un avant qui avait fait cette connerie d'histoire, là. Oh putain. Bon, ok. Bon, on va s'arrêter là, alors, hein, pour le format sestiaire. Je pense qu'on est tous atterrés. Nous en avons terminé avec ce format sestiaire qui était court comme annoncé et on va pouvoir passer au gros morceau de l'émission, notre coin des Padawan consacré à Vertigo. Donc Vertigo, on ne parle pas de l'ennemi de Green Arrow, on parle bien du label. Eh oui, ça peut prêter à confusion. On parle bien du label créé en 1993. Sous la houlette d'une femme qui a marqué de son empreinte un peu toute l'existence de Vertigo, Karen Berger, qui travaillait chez DC, et à qui on a proposé de créer un label avec toutes les séries un peu à part dans l'univers DC, qui étaient un peu plus sombres, un peu plus adultes, on va dire, horrifiques et compagnie. Donc toutes ces séries-là ont été regroupées en 1993, dans un label qui allait être dirigé par Karen Berger et qu'ils ont donc appelé Vertigo. Donc au début de Vertigo en 1993, on n'a pas de nouvelles séries, c'est toutes des séries qui sont déjà en cours, qui existaient chez DC Comics, qui sont Animal Man, Swamp Thing, Sandman, la Doom Patrol, Hellblazer, Black Orchid et Orchid plutôt et Shade the Changing Man. La première série qui a été créée pour Vertigo, c'est Death, The High Cost of Living. Death, c'est un personnage de Sandman, qui a eu sa mini-série, spin-off en fait. Et puis on a eu une série qui s'appelait Enigma, qui était aussi une mini-série. Donc, on va vous détailler pendant tout ce coin des Padawan les séries un peu majeures. On vous les détaillera assez rapidement. On va faire une présentation. On vous donnera notre avis un petit peu pour ceux qui l'ont lu ou qui ont commencé la série en question. Et on va pas aller plus loin que ça puisque certaines séries sont tellement importantes qu'elles méritent une émission à elles toutes seules et ça sera le cas déjà très bientôt. Donc voilà, on va pas rentrer vraiment dans les détails. Pour les séries qui étaient déjà présentes en 1993, on va s'attacher évidemment au monument qu'est Sandman. Léris, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Comme beaucoup d'œuvres de Vertigo, c'est difficile d'en dire 2 mots. C'est cultissime, c'est génialissime. Donc, Sandman, donc, c'est par Neil Gaiman, c'est la réécriture d'un personnage DC qui était au départ assez différent. Donc, au tout départ, c'était un héros qui utilisait un gaz soporifique pour endormir ses ennemis. Et après, dans les années 70, Jack Kirby en a fait un. un être surnaturel qui maîtrisait les rêves. Et donc là, c'est plutôt cette idée qui a été utilisée par Neil Gaiman. Donc c'est le speech, c'est que il y a sept frères et sœurs, on va dire, qui sont les éternels, les infinis, ça dépend de la traduction, les endless, qui incarnent donc la mort, le désespoir, des choses comme ça. Et le personnage principal, c'est Dream, Morphée, donc le maître des rêves. Au tout début de l'histoire, il est capturé par un humain et on suit ses pérégrinations pendant et après ça. Donc c'est une série qui est plutôt adulée par tout le monde, qui est vraiment génialissime. Donc un des trucs assez importants de cette série, c'est l'ambiance, enfin c'est des dessins un peu horreur, c'est de la dark fantasy et l'ambiance est vraiment super particulière. Donc assez sombre, déjà les personnages s'y prêtent pas mal. On croise à plusieurs reprises la déesse de la mort. C'est très très littéraire comme série, très intellectuelle et adulte. Donc c'est pas mal symbolique et assez mythologique. Donc on croise beaucoup les dieux de différentes religions, différentes cultures. C'est assez exigeant. Assez exigeant. Ouais, dans le sens où c'est pas quelque chose que tu vas lire comme tu peux lire un épisode de Spider-Man ou de voilà, c'est Ouais, vraiment quelque chose qui a te demandé beaucoup d'attention et de te rappeler de plein de choses qui se sont passées avant. Faut vraiment pas perdre le fil et ouais, faut s'accrocher des fois quand même hein, parce que c'est peut-être un des reproches que je peux faire à Neil Gaiman, c'est que des fois il complique un petit peu les choses. Oui, je suis d'accord. Là, enfin, j'en parlerai après pour Sandman Overture. Je trouve que on peut retrouver un peu les mêmes défauts, mais ça reste dans la même veine. C'est vrai que on peut retrouver ça parfois chez lui. Après, c'est peut-être son style qui veut ça aussi, hein, parce qu'il a un style qui est quand même très, bah, très littéraire, tu l'as dit, hein. Cet aspect compliqué, un peu difficile d'accès ou quoi, ça vient aussi de son style même, hein, la façon dont il a enfin, qu'il a de tourner ses phrases, de les rallonger, de mettre des formules un peu détournées pour dire des choses finalement très simples. Enfin, c'est hyper. Ça colle vraiment avec la série et il y a souvent ça d'ailleurs chez les auteurs anglais et pour lui particulièrement, on le retrouve d'ailleurs dans tout ce qu'il a écrit, hein, dans ses romans d'ailleurs aussi. Donc voilà, bah voilà, Sandman, c'est peut-être pas la chose que vous allez lire en premier si vous commencez les comics. Évidemment, un monument, alors disponible en VF, si vous lisez en VF, voilà, on va vous indiquer un petit peu les disponibilités, surtout en VF, parce qu'en VO c'est assez facile de trouver les TP. Donc en VF, ce sont de gros volumes de entre 450 et 500 pages. Il y en a 8 qui sont prévus chez Urban Comics, chaque volume coûte 35 euros. Voilà. Pour l'instant, il y en a trois de sortie. Pour le moment, ouais, voilà. Et puis c'est bien qu'ils les sortent un peu de manière espacée parce que faut les digérer, quoi. Et c'est surtout le porte-monnaie qui doit les digérer. D'ailleurs, les éditions urbaines sont vachement bien faites parce que Ils sont magnifiques. des bonus à la fin conséquents, enfin, qui sont assez agréables et une bonne édition. Ouais, ils Excellent. ont repris de belles éditions, un peu comme les Absolutes qui étaient sorties en VO. Enfin, ils ont vraiment repris les bonus et tout, c'est très très très bien fait. Pas du Panini, notamment sur Je suis Spider-Man. Voilà. Autre série qui était présente en 93, bah Hellblazer. La série qui mettait en scène Constantine, qui est la série la plus longue du label Vertigo qui s'arrêtait après 300 numéros. Qui s'arrêtait en 2012-2013, je crois début 2013, au moment où DC a relancé la série New 52 Constantine. Puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais DC a fini par reprendre certains personnages dans son giron, et du coup, Constantine en a fait partie. Donc Hellblazer, voilà, je vais pas vous résumer, c'est très sombre, parfois glauque. Il y a eu un passage de Garcenis, je crois, sur le personnage qui est dans les débuts de la période Vertigo, qui était assez, enfin, qui est le plus marquant. Donc à la rigueur, lisez ça et voilà. Après, Constantine, c'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement. Donc Hellblazer avait tendance, enfin voilà, c'est un truc que je picorais par-ci par-là, quelques épisodes, sans plus. Je vais pas m'attarder trop dessus. On va passer aux séries qui sont nées cette fois sous le label Vertigo, dans les années 90. Donc on a la première série régulière qui a été lancée en 1994, The Invisibles, par Grant Morrison. Là aussi série culte. Preacher par Garcenis a été lancé en 1995. On a eu aussi Transmétropolitan dans les années 90, qui était lancé en 98 pour être précis, et puis 100 Bullets en 1999. Donc rien que dans cette liste-là, déjà, il y a des choses plus que bonnes. On va commencer par 100 Bullets, donc qui a commencé en 1999, comme je vous l'ai dit, et qui s'est arrêté dans la fin des années 2000, après 100 épisodes, tout comme le titre le veut. Alors l'histoire rapidement. Le principe de 100 Bullets, c'est tout simplement une mallette qui contient un flingue et 100 balles. Un agent spécial remet cette mallette à des personnes, pas au hasard du tout, et leur donne la possibilité de se débarrasser, ou non, de quelqu'un, ou de plusieurs personnes, avec la certitude qu'ils ne seront pas ennuyés puisque les 100 balles qui sont dans la mallette sont des balles spéciales. Et en fait, dès que la police met la main sur, sur des affaires où cette balle apparaît, ils arrêtent toute enquête. Donc en gros, c'est des balles qui assurent un peu l'immunité, quoi, qui sont intraçables. Donc voilà, on va suivre pendant 100 épisodes, et donc 13 tomes en VO, plusieurs personnes qui reçoivent cette mallette et qui se servent de l'arme ou pas d'ailleurs, hein, ça aussi tout l'intérêt. Est-ce qu'ils vont s'en servir de cette arme? Est-ce qu'ils vont saisir la possibilité qu'il aurait donnée, souvent de se venger de quelqu'un. Et puis ça va plus loin que ça, puisque vraiment on s'aperçoit qu'en fait toutes les personnes qui ont été choisies, au fur et à mesure on s'aperçoit qu'elles sont pas du tout choisies au hasard, que toutes les histoires sont liées, que ça nous mène à un complot qui va dans les racines même des États-Unis, et qui date de plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles. Enfin voilà, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser, donc voilà, ça dure. Ça a duré donc 100 épisodes, presque 10 ans, un peu plus même. Et c'est une des choses, à mon avis, immanquables de Vertigo, qui est sortie au complet chez Urban Comics, il me semble. Je crois que le dernier tome a été publié l'année dernière, ou alors en tout début de cette année. Je vous ai pas précisé que le scénariste, c'est Brian Azzarello, et que le dessinateur, c'est Eduardo Risso. Voilà pour l'histoire de 100 Bullets, que je vous recommande, en tout cas. Enfin voilà, c'est vraiment du... Enfin, si on veut une histoire qui nous surprend, et qui est vraiment... Enfin, construite intelligemment, parce que dès le départ, il savait qu'il allait y avoir 100 épisodes, il a construit son intrigue sur les 100 épisodes, et ça, bah, on le bien, sent, ça. quoi. Toutes les ramifications se mettent petit à petit en place, et c'est assez énorme. Autre chose d'énorme, Léris, Transmétropolitane? Ouais, donc Transmétropolitane, j'en ai déjà parlé Sur le sur site? le site, ouais, sur Comic Stories. Mais je vais représenter ça vite fait ici. C'est une série qui a commencé en 97 pour finir en 2002, donc 5 ans plus tard, après 60 numéros et quelques numéros spéciaux. Série qui vient d'ailleurs d'être rééditée en VF par Urban, dont le premier tome est sorti. Donc c'est à peu près aussi cultissime, bon, peut-être moins cultissime quand même que Sandman, mais comme beaucoup de titres Vertigo, c'est très très culte et c'est vraiment génial. L'histoire, c'est l'histoire d'un mec, un journaliste, Spider Jérusalem, donc qui était exilé, qui s'est exilé dans la montagne au début de l'histoire et qui revient en ville au bout de quelques pages, qui est réengagé de force un peu. Oui, un peu, oui. Et c'est d'ailleurs le personnage, je sais pas si vous connaissez, est très inspiré de Hunter Thompson, donc un journaliste célèbre de l'histoire du journalisme américain. Tu en parles dans ton article, je crois. Donc, à la fin, c'est le mec. Je sais pas si c'est le sujet maintenant, mais c'est le mec qui a créé le journalisme Gonzo et qui un journalisme assez particulier, un mec assez subversif qui voulait faire ce qu'il voulait, personne n'avait le droit de toucher à ses articles, ils n'étaient pas retouchés, il voulait dire la vérité et c'est la seule chose qui comptait. Et donc on retrouve un peu ce personnage chez Spider Jérusalem qui marche sur tout quand on a rien à foutre, qui veut juste décrire la vérité, décrire ce qui se passe vraiment avec sa plume, enfin son ordinateur. Donc ça se passe dans un, on n'a pas de date précise, mais donc dans un futur proche, assez déjanté, qui critique d'ailleurs pas mal le monde moderne, donc, où la pub est omniprésente, où le libéralisme est un peu poussé à l'extrême. Il y a des transgenres deviennent d'une autre espèce, qui font des Oui. opérations pour devenir d'une autre espèce. Il y a des centaines de trucs comme ça, des religions qui naissent tout le temps, plein de sectes, de nouvelles sectes. Donc c'est assez corrosif et critique de ce point de vue-là. Il y a pas mal de moments assez marrants, assez drôles. Le Spider Jérusalem s'y prête beaucoup. C'est vraiment une série qu'il faut lire de toute urgence. Extrêmement bon. Le graphiquement, c'est assez sympa. C'est pas des dessins absolument exceptionnels comme d'autres. Enfin, le style est pas particulièrement marquant, disons. Non, c'est oui, c'est classique. Enfin, c'est oui, c'est classique sans plus, quoi. C'est Donc, voilà. Mais le scénario, l'univers et tout le reste est vraiment très bon. Ah oui, c'est vraiment. Enfin voilà, tu l'as dit. La quête de vérité, quoi. La seule obsession de Spider Jérusalem, c'est la vérité. Il le dit plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est dire la vérité aux gens, leur ouvrir les yeux sur la réalité du monde dans lequel ils vivent. Quitte à des fois être trash, choquant, enfin voilà, il va pas avec le dos de la cuillère, mais à chaque fois, voilà, c'est son seul objectif, c'est la vérité. Donc ouais, c'est hyper intéressant, ça fait réfléchir. C'est pas le, enfin c'est pas que de la bande dessinée. Enfin, souvent chez Vertigo, hein, il y a souvent un vrai message et une vraie réflexion dans les histoires proposées. Enfin voilà, c'est pas, on est loin du super slip. Oui, mais c'est le principe du label un peu. Voilà. Et je trouve que y a pas vraiment grand chose à reprocher à cette série. Tout est, enfin, les personnages sont bien développés, enfin, tout ce qui arrive aux héros est assez agréable à suivre. Enfin, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de défaut majeur. Voilà pour Transmétropolitane. On va passer maintenant aux années 2000, avec en 2000 une énorme vague de titres. On peut même parler d'explosion du label, puisqu'ils ont sorti dans les années, dans la décennie 2000-2010, beaucoup beaucoup de séries qui toutes ont obtenu plus ou moins le statut de série culte, un peu comme tout ce qui se passe dans le label finalement. On a vraiment, enfin Vertigo, vous allez avoir l'impression là pendant toute la séquence qu'on va vous dire c'est génial, enfin pour toutes les séries, mais ça l'est vraiment quoi. En 2002 donc. Fable par Bill Willingham et Mark Buckingham, donc série qui existe encore aujourd'hui, qui ne s'est pas arrêtée, qui s'arrêtera en 2015 au numéro 150. Why the Last Man par Brian Kevogan et Pia Guerra, ça c'est pour 2002. On a Brian Wood aussi dans les années 2000 qui a lancé DMZ et Northlanders, de grosses séries, et Jason Aaron qui lui s'est mis avec Sculpt dans le label Vertigo. Et puis si on veut être complet, on a eu Sweet Tooth, Unwritten et Losers également dans cette décennie-là. On va évidemment pas vous parler de tout ça, on va revenir sur quelques-unes d'entre elles, et on va commencer avec Léris pour Fable. Donc, encore une fois, Fable, c'est vraiment culte. Moi, personnellement, c'est pas une série que j'affectionne autant que Transmétropolitane ou Sandman, mais ça n'en reste pas moins très bon. Donc, l'histoire, c'est l'histoire des personnages des contes comme Le Grand Méchant Loup, Blanche-Neige, ou des personnages comme ça, qui sont dans notre monde, dans notre ville, à notre époque, qui ont dû s'exiler à cause d'un ennemi sur lequel je ne vais pas vous dire grand-chose, et qui se retrouvent à devoir vivre en secret dans notre société, en se cachant un peu et en menant leur enquête. Enfin, au début, c'est une enquête sur Un meurtre. un meurtre, oui, dans la communauté des fables, de ces personnages. C'est assez marrant. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont assez sympas, notamment de voir comment, enfin, qu'est-ce qui est devenu dans cet univers tel personnage qu'on pouvait connaître avant dans les contes, tout leur caractère, leur façon d'être, ce qu'ils ont fait et ce qui leur arrive après est aussi marrant. L'histoire est pas mal au début, donc c'est un meurtre dans la communauté des fables, et c'est une enquête qui est menée principalement par le grand méchant loup, donc un Voilà. personnage qui est le personnage présent aussi dans l'adaptation du vidéo qui est sortie récemment. Donc c'est un peu une enquête aussi, le même truc, donc fait par Telltale Games. Donc ouais, Bigby qui va mener l'enquête avec celle qui est maire de la ville. Ouais. C'est Blanche-Neige. Et tous les deux, ils vont essayer un petit peu. Et c'est à travers leur enquête qu'on va découvrir tous les personnages, donc les fables, ce qu'ils sont devenus. On va apprendre l'existence petit à petit d'une autre communauté un peu exilée. On va vite découvrir pourquoi ils ont été exilés. Petit à petit, apprendre vraiment alors des mini-morceaux, des raisons qui les ont poussés à venir dans ce monde. Parce que quand même, c'est quand même une des intrigues principales. Pourquoi ils sont venus? Qu'est-ce qui les a poussés à venir? Pourquoi ils ne peuvent pas retourner dans leur monde? Qu'est-ce qui les en empêche ou qui les en empêche? Enfin voilà, c'est le premier tome en tout cas, c'est vraiment un modèle du genre quoi. C'est comment installer un univers hyper vaste avec juste 6 épisodes et t'accrocher pour les 100 qui vont suivre derrière quoi. C'est vraiment au niveau de la narration et des choses qui sont mises en place et des suggestions qu'on peut te faire sur ce qui t'attend à l'avenir, c'est génial. Arnaud, tu avais lu le début, toi, je crois? J'en ai lu que deux pour l'instant. T'as lu les deux premiers épisodes, donc du coup, est-ce que tu... Je ne peux pas trop en parler. Mais... Bah, si, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est très prenant au niveau de l'intrigue, parce que c'est quand même un univers assez important qu'il faut amener. Et je trouve qu'il l'amène de manière très intéressante avec cette intrigue policière. Et même s'il y a beaucoup de personnages, rien que dans les deux premiers, il y a quand même beaucoup de personnages. Oui. Mais on est jamais perdu. On nous explique très bien qui est qui, par rapport à qui, etc. Parce qu'il y a aussi des histoires de filiation, de frères-sœurs, qui n'existent pas forcément dans les contes. Et on n'est jamais perdu. Donc c'est une bonne chose. Ils ont bien réussi leur coup de pas nous perdre avec tous ces personnages dans un univers totalement inconnu. Ouais, alors juste, bah on en parlait hier, Arnaud. Certaines personnes, en découvrant le comics Fable, font le rapprochement avec la série télé Once Upon a Time. Juste, ça n'a rien à voir. Ah non. Hein, il faut être clair. C'est plus sombre déjà et c'est bien mieux écrit. Voilà, ça n'a rien à voir. La série s'arrête bientôt, puisque ça a été annoncé que ça s'arrêterait au numéro 150, donc ça sera fin d'année, début 2015. Donc voilà, on aura bientôt l'intégralité de la série et on pourra enfin dire si la fin est réussie, puisque c'est quand même un problème souvent de terminer les séries au long cours comme ça et d'offrir une vraie fin. C'était le cas pour 100 Bullets, je voulais pas préciser, mais la fin était quand même critiquée par certaines personnes. Enfin, elle convient pas à tout le monde en tout cas, enfin, ça part un peu en cacahuète. Donc on verra pour Fab ce qu'il en sera. Une série qui, elle, est finie et qui s'est bien terminée, c'est DMZ, la série de Brian Wood. Alors, DMZ, c'est quoi? C'est l'histoire des États-Unis qui sont un peu partis en couille. Il y a eu sécession, en fait. Et du coup, les États-Unis sont partagés entre plusieurs factions et entre plusieurs camps. Et le symbole de cette séparation, c'est New York qui elle-même est séparée. Et du coup, on a un journaliste, un jeune journaliste, Matty Roth, qui est envoyé de l'autre côté. Pour enquêter, savoir ce qu'est. Re et retrouver la trace d'un journaliste très célèbre qui a eu le prix Pulitzer, qui est porté disparu en fait. Et donc, du coup, il est balancé au milieu d'une zone qui est la DMZ, donc c'est une zone démilitarisée. Et c'est pas parce que c'est démilitarisé qu'il n'y a pas de conflit, au contraire. D'entrée, il est pris dans un tourbillon de violence et de. Enfin, et en, entre deux feux en fait. Et il s'aperçoit vite qu'il s'est engagé dans un truc qui le dépasse complètement et malgré tout, il va décider de rester dans cette zone démilitarisée et de faire parvenir à sa rédaction les reportages, des reportages sur la vie dans la DMZ, comment ça se passe, comment on survit entre ces deux, entre les deux camps. Il va faire la connaissance de plusieurs personnes qui vont l'accompagner, qui vont l'aider à s'intégrer dans la communauté. Il va porter en permanence son gilet qui le matérialise comme journaliste, ce qui ne va pas lui attirer que des choses positives, évidemment, parce que les journalistes sont pas forcément appréciés par tout le monde dans ce quartier-là. Et puis voilà, donc c'est vraiment là on est dans quelque chose de politique, de le traitement des médias aussi, puisqu'on va découvrir ce qu'il advient de ces reportages. Est-ce qu'ils vont être diffusés tels quels? Est-ce qu'ils vont être diffusés tout court? Est-ce qu'à un moment il va pas se rendre compte aussi que lui aussi est peut-être manipulé? Enfin voilà. Donc c'est vraiment une série là encore passionnante, c'est-à-dire que quand on se lance là-dedans, on enchaîne les épisodes à un rythme fou quoi, et on s'arrête à la fin du tome. Et la seule envie qu'on a, c'est d'aller vite chercher l'autre, parce que effectivement, c'est très bien fait au niveau des cliffhangers et on a vraiment envie de poursuivre, quoi. Donc c'est Brian Wood qui fait ça. J'ai pas sous les yeux, donc je saurais même pas vous dire qui dessine. Ensuite, je vais le retrouver rapidement parce que les dessins sont quand même à souligner. Enfin, la mise en page, en tout cas, est assez intéressante. Puisqu'il y a certains numéros qui sont en fait consacrés au reportage de Matty Roth, que Matty a envoyé à sa rédaction. Et en fait, ce qu'on lit, c'est. On a les textes du reportage avec des illustrations, un peu comme elles pourraient être présentées soit à la télé, soit dans un magazine, selon le support qui est choisi. Donc déjà ça, c'est intéressant, puisque ça intervient notamment à la fin de la première année. À la fin de sa première année dans la zone démilitarisée, où on a tout un résumé en fait de cette première année, mais vu à travers son reportage. C'est assez intelligent et c'est vraiment bien foutu. Le dessinateur, c'est Ricardo Burchielli. Voilà. Donc DMZ, c'est terminé. La totalité de la série, je crois, est publiée chez Urban maintenant. C'est en 12 tomes. Voilà. C'est plus ou moins long. C'est une série qui a duré 6 ans, de 2006 à 2012 aux États-Unis. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, moi, sur DMZ, que Elvire a lu, mais comme Elvire est partie dans une dimension parallèle, elle ne peut pas nous en parler. On enchaîne avec encore une œuvre culte par un scénariste, lui aussi culte. Surtout en ce moment, Brian K. Vaughan, qui nous a proposé en 2002, lui aussi, Why's the Last Man. Alors, Why's the Last Man, c'est quoi? C'est l'histoire de Yorick. Yorick, un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus classique, qui, un beau jour, va se retrouver être le dernier représentant masculin de l'espèce humaine sur Terre. Et même le dernier représentant mâle de toutes les espèces vivant sur Terre, avec son singe, Esperluette, qui est un capucin, je crois. Donc du coup, voilà, il n'y a plus que lui, il y a seulement lui et son singe qui ont survécu à cette extinction totale de toutes les... Il va faire quoi avec les singes? Oh, tais-toi. C'est pas vrai. Oh non. Ah, tu me dégoûtes. Il va donc se retrouver, donc on voit la disparition à l'extinction de tous les mâles, en fait tous les porteurs du chromosome Y meurent en même temps, au même instant, et on voit rapidement cette disparition violente et très sanglante, et du coup bah, il se retrouve dans un monde où il se retrouve le seul homme, et du coup est-ce que oui ou non il a sa place encore dans ce monde là, est-ce que les femmes vont lui laisser sa place? Est-ce qu'il n'est pas finalement plus en danger en étant le seul homme qu'autre chose? Et pourquoi aussi, s'il est le seul à rester, pourquoi lui et son singe? Et voilà. D'ailleurs, je trouve le titre de la série hyper intéressant, puisque Y The Last Man, donc Y, Y forcément pour le chromosome Y, Y pour l'initiale de Yorick, mais aussi Y pour la phonétique. Y, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le dernier homme? Donc du coup, voilà, ça va être toute la question. Pourquoi est-ce qu'il est le dernier homme? Est-ce qu'il est réellement le dernier homme? Puisqu'on sait qu'il est le dernier homme sur Terre, mais bon. Voilà. Et puis, en plus de tout ça, il y a quand même une vraie réflexion sur la société, la place des femmes dans la société actuelle. Qu'est-ce qu'elles feraient, en fait, si elles étaient à la place des hommes? Est-ce que finalement elles seraient meilleures, ou est-ce qu'elles reproduiraient les mêmes erreurs? Plein de questions. Les personnages, c'est une des forces de Brian Kevogan, hein, c'est vraiment sa faculté, lui aussi, comme on a dit tout à l'heure pour Bill Willingham avec Fable, Brian Kevogan, il a une vraie faculté à installer rapidement un univers très riche et dans lequel on est rapidement pris et emporté. Il a reproduit ça pour Saga récemment, et puis pour d'autres choses qu'il a écrites. Et ces personnages, c'est vraiment une des vraies forces, les relations, le développement qu'il leur apporte, l'évolution, c'est vraiment très très très très très bien de ce côté-là. Léris, toi t'as commencé cette série aussi? Tu as commencé ou tu l'as fini? Je l'ai fini. Tu l'as fini. Ouais. Et je suis tout aussi fan que toi, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, c'est vraiment captivant, tous les personnages sont très attachants, c'est très bien fait. La réflexion aussi est très bien poussée sur qu'est-ce que ça deviendrait, comment ça se passerait vraiment et comment les survivants, toutes les femmes du coup agiraient, les clans qui se créeraient, les Amazones qui commencent à apparaître et qui elles sont se disent contentes de ce qui est arrivé. C'est vraiment très bien fait et de tout le long de la série, le niveau ne baisse vraiment pas et le final est vraiment très très bon aussi. Pour le coup, on a un final qui est à la hauteur. Il a évité l'écueil des séries un peu au long cours qui se terminent un peu en eau de boudin. Là, vraiment, il a très très bien conclu sa série. Et le ton est donné très rapidement, hein, juste après le premier épisode, où on a un texte en fait avec juste des statistiques qui nous dit que ce sont 2 milliards presque 3 milliards d'hommes qui ont disparu, que ça représente 99% des propriétaires terriens du globe, 95% des pilotes de l'air, 92% des criminels, etc., etc., etc. Et du coup, on s'aperçoit qu'en fait, la place des femmes parmi certaines catégories sont vraiment minoritaires. Et du coup, dès ce texte, on comprend où il veut aller au niveau de la réflexion. Donc, encore un gros coup de cœur chez Vertigo. Un de plus. Et on va maintenant passer dans les années 2010, donc la décennie en cours, avec là aussi des séries et un grand tournant pour Vertigo. Donc on va parler des lancements de séries, donc American Vampire par Scott Snyder, on a eu iZombie, dont on parlera prochainement forcément puisque ça va être adapté, Fairest qui est un spin-off de Fable avec uniquement des personnages féminins, on a eu Southern Country qui était prévu pour être une série régulière mais qui s'est arrêtée assez rapidement, et puis surtout les années 2010 c'est le relaunch chez DC Comics, la maison mère, en 2011, et ça a marqué pour Vertigo, un grand tournant, parce que les personnages de Swamp Thing, d'Animal Man, de Constantine, de Madame Xanadu aussi, ont été repris par DC. Ils sont repassés dans le giron principal, donc du coup, fin des histoires avec ces personnages, forcément fin de Hellblazer après 300 numéros. Et voilà, ça a quand même marqué un tournant assez important pour le label. De quoi vous parler pour les années 2010? Évidemment, American Vampire par Scott Snyder, et Stephen King pour le premier tome. American Vampire, c'est le premier, peut-être même le dernier comics écrit par Stephen King. Il en a écrit quand même toute une partie. En fait, pour tout le premier arc, la première moitié des épisodes était écrite par Scott Snyder, et la deuxième partie était écrite par Stephen King, qui lui revenait sur les origines du personnage principal d'American Vampire. Au dessin, on retrouve Monsieur, parce que là, il mérite vraiment le statut de Monsieur sur cette série, Raphaël Albuquerque. Quand je vois ses dessins, j'imagine personne d'autre dessiner American Vampire. Il a vraiment un style très graphique, parce que la série est vraiment, enfin voilà, c'est plein de violence, enfin c'est pas du vampire, voilà, c'est pas léger du tout, hein. C'est très violent, c'est très graphique, et ça colle parfaitement au scénario. Donc American Vampire, ça parle tout simplement d'une espèce de vampire nouvelle qui est née aux États-Unis, qui est le vampire américain, qui n'a pas les points faibles du vampire européen historique. Donc qui peut vivre le jour, qu'on ne va pas tuer avec une balle en argent, etc., etc., etc. Donc il y a certaines personnes qui vont se demander, mais finalement, quel est leur point faible? Est-ce qu'elles ont des points faibles qui vont chercher un peu comment exterminer ces vampires? Mais on suit principalement donc Skinner Sweet, qui, si je ne me trompe pas, est le premier représentant de cette espèce de vampire américain. Et puis on va suivre également Pearl, qui est une actrice, en fait, qui va rapidement, elle aussi... être transformé. Et donc voilà, c'est vraiment les deux personnages qu'on suit principalement dans American Vampire. Léris, tu l'as lu toi? Ou tu as au moins commencé? J'ai commencé, j'ai lu les trois premiers tomes, mon gars. Alors vas-y, si tu peux donner un peu ton avis. Je trouve que c'est très bon, hein, comme beaucoup de séries aujourd'hui. C'est meilleur que. Enfin, Snyder est vraiment à son plus haut là, plus que sur d'autres séries actuellement. Ah oui, clairement, oui. Et tout est très bien développé. Les personnages principaux sont vraiment super cool. Snyder est vraiment très badass et très très agréable à voir évoluer. Mm-hmm. Toute la réécriture, enfin pas la réécriture, mais tout ce qu'on apprend sur l'histoire américaine à travers cette histoire est vraiment bien fait et vraiment super intéressant. Donc, c'est vraiment l'intérêt, en fait, c'est qu'on va suivre toute l'histoire américaine du 20e siècle, en fait, à travers la destinée de Skinner Sweet et de Pearl. Donc, c'est agréable aussi de voir des vampires badass comme ça, qui sont vraiment des brutes et qui se battent, comme on a pu voir d'autres vampires, notamment au cinéma, donc c'est pas des comics, mais en bouquin, récemment, un peu moins... adulte et moins intéressant, et donc là c'est agréable de retrouver des trucs comme ça, et je trouve que encore une fois toute la série est très bonne et Snyder maîtrise très bien sur ce qu'il fait là. Ah ouais, c'est une claque vraiment. Donc la série a été découpée en deux cycles. Le premier cycle s'est arrêté au bout de 37 épisodes et le second cycle vient de reprendre il y a un mois ou deux, je crois, et donc on est parti pour un deuxième cycle peu près a priori de la même longueur, et après ça en sera terminé d'American Vampire. Et il paraît que le deuxième cycle, donc je n'ai pas encore lu, commence fort et ça reprend déjà dans le monde. Mais moi j'ai pas commencé non plus, hein, le deuxième. J'attends un petit peu qu'il y ait plus d'épisodes, parce que j'aime bien le lire. Enfin, j'aime bien lire les arcs une fois complets, en fait, les TP une fois sortis. Et du coup, les dessins? Je suis d'accord sur le fait que le style correspond vraiment à ce qui est raconté. Il y a un moment d'ailleurs. C'est paru en français sous le nom de American Vampire Legacy. C'était dessiné par Sean Murphy. Et c'est retourné après à Albuquerque. Et c'est vraiment qu'il est vraiment Albuquerque est fait pour ça. C'est vraiment très agréable à voir et tout est très joli. Alors je suis intéressé du coup d'avoir ton avis, puisque certaines personnes trouvent dans le premier arc la partie écrite par Stephen King un peu chiante. Donc le tout début? Ouais, quand il. Toutes les deuxièmes parties d'épisode, en fait, où il raconte les origines de Skinner Sweet. Avec le mec là qui vend son bouquin, la conférence. Ouais, non, moi ça m'avait pas parti. Enfin, je l'ai pas lu hier, donc je l'ai lu il y a. Le début, il y a un peu de temps, mais je me souviens pas de trucs qui m'ont particulièrement ennuyé. Je trouve que tout était plutôt pas mal. Ouais, bah pareil, en fait, c'est juste pour. C'est juste pour avoir l'avis du coup, parce que j'ai lu et entendu pas mal que la partie Stephen King était un peu moins bonne. Allez, on va passer maintenant à 2013, l'année du nouveau Vertigo. Pourquoi le nouveau Vertigo? Entre autres parce que Karen Berger, responsable historique du label, a quitté Vertigo et DC Comics par la même occasion, je crois. Ce qui a un peu secoué tout le monde, et vu que Vertigo était plus ou moins sur le déclin parce que beaucoup des séries phares étaient terminées. En gros, il ne restait plus que Fable et American Vampire, hein, pour être clair, et puis quelques mini-séries par-ci par-là. Et du coup, on a vu dans le départ de Karen Berger la fin du label Vertigo. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Ils ont vraiment rebondi, ils ont lancé de nouvelles séries régulières, plein de mini-séries avec des artistes vraiment all-stars. Et du coup, ça a été 2013, le renouveau de Vertigo, avec comme mot d'ordre Defy, donc défier. Donc il y a eu tout un petit fascicule promotionnel avec le mot Defy qui a été répété plusieurs fois pour présenter les nouvelles séries. Donc voilà, c'était le défi de Vertigo en 2013. Est-ce qu'il a été réussi? On va le voir assez rapidement. Parmi les nouvelles séries qui sont sorties, on a le Federal Bureau of Physics, qui était d'abord nommé Collider, mais comme il existait déjà une série qui portait ce nom, il a fallu changer et appeler la série FBP, Federal Bureau of Physics. Je trouve le titre un peu mieux d'abord, un peu plus adapté. FBP, c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire d'un bureau fédéral, comme le FBI, sauf que eux sont chargés de travailler autour des questions et des perturbations des lois de la physique. Donc les inversions de la gravité, les dimensions parallèles, les trous noirs, enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent perturber les lois de la physique sur Terre, et bien à chaque fois qu'il y a un problème de cette nature-là, c'est le FBP qu'on appelle. Et on va suivre une équipe de ce service, tout simplement, mener leurs enquêtes. Voilà. Donc forcément, quand on lit ce speech-là, on peut penser tout de suite à Fringe, la série télé. On peut se dire, tiens, est-ce qu'on va lire ça en comics? Arnaud, toi t'as lu le début, moi je suis à jour, t'es d'accord? Pas du tout, là encore une Non, fois. j'ai lu que le premier pour l'instant. Ok. Et non, j'ai pas du tout pensé à Fringe. Si tu l'avais pas dit, j'avais pas pensé. Là C'est bah ouais. absolument rien à voir. C'est déjà plus léger. Enfin, pour le premier en tout cas, c'est plus léger que Commence, ouais, Fringe. ça commence léger, mais enfin rapidement on va Oui, on sent il y a s'apercevoir de quand plein de même des choses, ouais. tensions qui Ouais. commencent à naître. Dans le premier épisode, eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'équipe du FBP, une équipe du FBP est appelée parce qu'il y a une inversion de la gravité dans un lycée. Donc ils vont amener leur matos pour rétablir la gravité. Ils vont amener un gros appareil qui est censé remettre les choses d'aplomb. Évidemment, ça se passe pas comme prévu et ça s'empire, on va même dire. Et il y a un des membres de l'équipe qui est pris tout simplement dans cette bulle de gravité Vortex. inversée, dans cette bulle de gravité inversée, ce vortex, qui va être évidemment. Qui va s'en réchapper in extremis, sinon il n'y aurait pas d'intérêt, parce que c'est quand même lui le personnage principal pour la suite. Mais on va s'apercevoir par la suite que ce genre de phénomène va se reproduire, qu'il y a une bulle qui va apparaître au sommet d'un immeuble qui va avoir une connexion avec une dimension parallèle. Et peut-être que cette inversion de gravité dans le lycée n'était pas au hasard. Voilà. Là encore, on va parler de manipulation, enfin on s'aperçoit que au sein du FBP, tout le monde n'est pas clair, y compris à très haut rang, que enfin voilà, les agents n'ont pas finalement toutes les cartes en main. On en est à l'épisode 9 pour le moment. Le premier TP est sorti il n'y a pas très longtemps. Rien de particulier à dire pour le moment. C'est bien parti. Espérons que le niveau se maintienne. Une autre série qui est sortie en 2013 s'appelle Interkind. Interkind, je vous la fais rapidement juste l'histoire. C'est en fait la nature a repris ses droits et même les plus grandes villes sont devenues comme des jungles, hein, la forêt, des arbres sur les immeubles, etc. Enfin voilà, c'est vraiment la nature qui a repris ses droits, les animaux qui ont eux aussi repris certaines parties du territoire. Et puis bon, on va suivre les humains, hein, comment ils vivent là-dedans, puisque les humains ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire, ils se retrouvent être un élément bien inférieur, et ben comment ils vont s'en sortir, comment ils s'adaptent à ce nouveau monde. Voilà, en gros, le concept de la série. Léris, toi, tu vas nous parler de Dead Boy Detectives. Donc, Dead Boy Detective, c'est une mini-série dont j'ai déjà parlé sur le site pour les deux premiers numéros, qui fait apparaître donc deux personnages qu'on a vus pour la première fois dans Sandman il y a plus de 20 ans, deux détectives fantômes qui viennent d'un lycée un peu particulier, donc on s'aperçoit qu'il se passe des trucs pas très nets. Au début, j'étais assez élogieux sur mes deux premières critiques. Ça démarre bien, on retrouve un peu l'ambiance, ça ne cale pas ce qu'a créé Neil Gaiman, parce que c'est l'ambiance quand on lit ou relit les pages de Sandman, on retrouve vraiment une ambiance très particulière créée par Neil Gaiman, mais on retrouve un peu cette ambiance un peu sombre, un peu triste, et c'est assez sympa de revoir ça après avoir lu Sandman. Et par contre, je trouve que ça... J'ai pas lu le tout dernier numéro, parce qu'il y en a 4 pendant que j'avais pas envie. Mais je vais peut-être continuer quand même pour voir, mais je trouve que ça s'enlise un peu, en fait. Au début, on est sympa de voir que c'est un peu lent, que c'est une ambiance un peu triste, rehaussée par les couleurs pastel et une mise en page et des dessins un peu propices à ça. Mais au final, y a juste l'ambiance et il n'y a pas grand chose de plus. Enfin, pour l'instant, il se passe pas. On voit un peu, on découvre des choses sur l'orphelinat, c'est pas un orphelinat, sur le lycée en question, mais c'est pas particulièrement prenant. Et donc, pour l'instant, ça baisse un peu le niveau. Ok, bon. Bah alors, du coup, ça sera peut-être une mini-série en tout cas à oublier. Je sais pas encore, mais c'est peut-être. Oui. Malheureusement, ouais, ça prend pas la bonne direction. Eh bien, puisqu'on est entré maintenant dans les mini-séries, on va pouvoir parler rapidement des mini-séries importantes dans l'histoire de Vertigo. Sachez qu'il y a eu Day Tripper, qu'il y a eu Django Unchained. On vous en parlera pas, mais voilà, ça fait partie des séries importantes. Par contre, on va vous parler de Joe the Barbarian, ou Joe, l'aventure intérieure en VF. Une histoire de Grant Morrison, illustrée par Sean Murphy. Les deux se sont déjà première chose à dire, c'est que les deux se sont bien trouvés, parce que Sean Murphy, il est à son maximum. Là, il est vraiment à un niveau de ouf sur cette série. Graphiquement, c'est superbe. Joe, l'aventure intérieure, c'est quoi? C'est l'histoire de Joe, qui est un petit garçon diabétique, et forcément, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la crise d'hypoglycémie. Et un jour, il va effectivement être frappé par une de ces crises. L'objectif pour lui, ça va être très vite d'aller chercher son sac, là, avec de quoi se soigner, enfin, ou en tout cas de quoi manger. Vite remonter son taux de sucre, en fait. Et donc, il va partir dans la maison, et très vite, il va partir dans un délire. La maison ne va plus du tout être la maison, va devenir un monde complètement hostile, avec des créatures toutes plus barrées les unes que les autres, qui vont faire irruption autour de lui, et qui vont l'empêcher d'atteindre sa quête, quoi. Les animaux vont se mettre à parler. D'ailleurs, est-ce que les animaux existent vraiment dans cette maison? On n'en est même pas sûr, à part son chien. Donc voilà, on se retrouve vraiment projeté dans une aventure épique, à travers des mondes complètement fantastiques, où il y a même d'ailleurs plein de choses qui sont un peu over the top, on va dire. C'est vraiment les délires de ce gamin en pleine crise d'hypoglycémie qui se transforme en une histoire complètement dingue. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, dans Jones the Barbarian, c'est que la fin, c'est pas celle qu'on peut imaginer, c'est peut-être même pas forcément celle qu'on peut espérer. Je vous dis pas ce qui se passe, voilà, ni comment ça se termine, mais l'histoire évolue dans un sens, et la fin n'est pas forcément celle qu'on pourrait attendre au vu de l'histoire. C'est hyper émouvant, la fin est hyper émouvante. Je ne vous cacherai pas que ça a failli me tirer une petite larme. C'est vraiment, voilà, j'étais à deux doigts de verser ma larme sur la fin de l'histoire. C'est vraiment, c'est vraiment beau, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est plein de poésie. Grant Morrison, vous n'avez pas forcément habitué à ça, et c'est vraiment un de ses chefs-d'œuvre. Voilà. Donc, Joe, l'aventure intérieure, c'est dispo chez Urban, c'est dispo en VO sous le titre Joe the Barbarian. Une série dont je vous ai déjà fait des éloges et des éloges, que j'ai placé en tête des mini-séries de 2013, si vous vous rappelez du top de 2013 qu'on a fait il y a quelques mois, et c'est cette fois forcément Léris qui va vous en parler, c'est Punk Rock Jesus. Ah oui, ça me dit quelque chose. Punk Rock Jesus, donc c'est scénarisé et dessiné par Sean Murphy, et pour ce qui est du dessin, on peut vraiment apprécier le trait, parce que c'est en noir et blanc, et ouais. Je sais que beaucoup, dont moi, aiment le trait de Sean Murphy, c'est vraiment super beau. C'est un génisme, mais... Ouais, c'est vraiment, vraiment splendide. Il y a des pleines pages qui sont absolument magnifiques. Et du point de vue du scénario, donc, c'est l'histoire aux États-Unis, dans un futur proche, les Américains, cons comme ils sont, veulent faire une émission de télé-réalité avec Jésus. Donc, apparemment, ils ont réussi à trouver un moyen de cloner quelqu'un, le faire revivre, mais avec donc une mère porteuse, à partir d'ADN trouvé, donc en l'occurrence sur le sueur de Turin, donc ADN qui est censé appartenir au Jésus. On va suivre les aventures d'un petit Jésus qui va naître et vivre son enfance du moins dans une maison entourée par les caméras. Et bien évidemment, le projet part un peu en couille, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'histoire se prête vraiment à une critique des États-Unis de plein de trucs, donc de la télé-réalité, de plein de choses comme ça, et des idées qu'on peut avoir, de la religion aussi, parce que c'est un peu l'idée. Et Matt, j'ai cru comprendre, aime beaucoup. Oui, je suis absolument fan. Oui. Oui, et moi aussi, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que dans la deuxième partie, ça baisse un peu d'intensité. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus épique, de plus large. Et je trouve que c'est peut-être un peu dommage de ce point de vue-là, mais sans ça, globalement, la série, la mini-série est très très bonne. C'est sorti chez Vertigo dans un bon bouquin de 232 pages et très bien fait. D'ailleurs, si on peut parler de cette édition, le papier est assez bon et Ah ouais, c'est l'édition d'Urban est fantastique. excellent. Oui. Ouais, je vais juste revenir sur la critique que tu pouvais faire sur la deuxième partie, et effectivement, je la comprends, et je pense que ça aurait peut-être valu le coup de faire un peu plus long, de faire plus d'épisodes, de rallonger sur certaines choses, pour pouvoir justement explorer toutes les pistes qui sont Oui, bah abordées, toutes les promesses qui sont faites, en fait, dès le départ de la série. Effectivement, on peut... enfin, Sean Murphy n'avait pas le temps en si peu d'épisodes de tout aborder, et du coup, bah forcément, il a dû faire des choix. Et ouais, effectivement, ça peut être une frustration, et ça aurait pas forcément été mal que ça dure plus longtemps. oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais ça reste quand même une très bonne série et Ah l'idée oui. de départ est vraiment très très bonne. Ouais, donc voilà, et bien voilà, maintenant ça fait deux personnes dans l'équipe qui vous disent à quel point Punk Rock Jesus c'est génial, donc bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bientôt, ça fera Non, deux je ne personnes serai aussi. pas un vendu. Bientôt ça fera. Deux personnes aussi qui vous diront que je suis où, c'est génial. Donc ça veut dire que bientôt vous allez être saoulé avec Tony Chou, ok? Et bientôt, My Little Pony aussi. C'est possible, Non, mais ça. jamais. Non. Chut. Allez, je vais vous parler rapidement de Trillium, qui est également une mini-série qui a été publiée très récemment. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast de cette histoire. Trillium, c'est la rencontre improbable de deux personnes qui vivent à des décennies, même des siècles de différence. Et qui s'aperçoivent très vite, enfin il y a un petit fond de romance là-dessous, mais qui est très très habilement mené, et on tombe pas dans l'histoire cuculapraline. Et c'est comment en fait ces deux personnes qui vivent à 2000 années d'écart, je crois, pourquoi ces deux personnes se rencontrent à un moment, qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre, comment ils vont faire pour se comprendre, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Comment ils vont faire pour se retrouver, comment ils vont éviter l'espèce d'événement cataclysmique qui se profile. Enfin voilà, c'est tout ça qui est abordé là-dedans. C'est une série scénarisée et illustrée par Jeff Lemire. On en a déjà parlé la semaine dernière de cette personne. En plus d'un scénario béton, Jeff Lemire s'est vraiment fait plaisir au niveau de la construction de son histoire. Je vous en ai déjà parlé, hein. Le premier épisode, c'est un flipbook, donc on lit la première partie. Après, il faut retourner le bouquin à l'envers et Ah repartir de la oui, fin c'est vrai. pour lire la suite. On a un épisode où il faut d'abord lire toute la bande supérieure de toutes les pages. Donc les pages sont coupées en deux de manière verticale, donc il faut lire toute la bande supérieure, reprendre son livre à l'envers et repartir en arrière en lisant la bande inférieure, qui du coup est devenue la bande supérieure. Et du coup, c'est un épisode qui peut se lire en boucle comme ça. Ça forme un cercle en fait, l'histoire. Et enfin voilà, il y a plein de petites constructions comme ça, des pages à l'endroit, des pages à l'envers. On a un épisode où on a la jeune fille qui parle dans sa langue, qui est traduite pour nous, et on voit les réponses qui lui sont faites par le personnage masculin, qui du coup sont cryptées et que nous on ne comprend pas. Et après, c'est l'inverse sur la page d'après. Donc ça montre, ben voilà, toutes ces petites astuces qui nous retournent la tête, un peu comme les personnages sont retournés par l'histoire qui leur arrive. Donc voilà, l'histoire s'est terminée il y a très peu de temps, le numéro 8 est paru, la fin est réussie, est très poétique, et même très très jolie. Enfin vraiment, voilà, Jeff Lemire s'est pas raté sur la fin, et voilà, c'est une absolue réussite qu'Urban a prévu de publier. Je leur souhaite bon courage, puisqu'ils prévoient de faire en un recueil. Mais alors, comment faire un recueil avec des pages à l'endroit, des pages à l'envers, un épisode qu'il faut lire, Ça va être le et bordel. après il faut retourner le livre pour aller retourner au début de l'épisode. Et enfin, c'est ça, ça va être un foutoir pas possible à publier. Mais voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà. Puisqu'on est dans les chefs-d'œuvre, on va y rester avec une histoire qui à la base n'était pas publiée chez Vertigo, mais que Vertigo a fini par récupérer dans son catalogue. Lyris, fais-toi plaisir. V pour Vendetta. Là, c'est vraiment du gros, c'est vraiment génial. Donc, je ne vais pas parler trop en profondeur du comics, quand même. Je vais vous en laisser pour l'émission qu'on va faire dessus en juin. Mais je vais quand même vous présenter un peu le comics, puis Byron vous parlera du film qui a été donc adapté du comics. C'est une des plus grandes œuvres d'Alan Moore, et Dieu sait que Alan Moore est. Oui, c'est la deuxième fois que je dis Dieu sait. Mais Dieu sait beaucoup de choses. Oui, beaucoup savent que Alan Moore est un génie et que nombre de ses œuvres sont exceptionnelles. Et V pour Vendetta, qui est cultissime, et donc vous avez tous ici entendu parler. Enfin, ici, et ceux qui nous écoutent. Hein. V pour Vendetta, alors, graphiquement, j'aime bien en général commencer par le côté graphique. C'est dessiné par David Lloyd. Et c'est un dessin assez sombre, comme en général dans les comics d'Alan Moore. Les dessins correspondent vraiment au scénario. Et là, ça s'appelle vraiment l'édition urbaine et en couleur, alors qu'à la base, c'était paru en noir et blanc. Et c'était, paraît-il, j'ai pas pu le lire en noir et blanc, beaucoup plus après on pouvait beaucoup mieux apprécier le dessin. Et on a des dessins, beaucoup d'ombres, des yeux d'ombre partout, des dessins assez sombres, et les couleurs sont pas non plus vives, et sont souvent assez pâles, qui joue là-dessus et qui reflète bien l'univers. Donc l'univers, c'est ça se passe dans une Angleterre totalitariste, avec un régime fasciste qui rappelle d'autres œuvres comme 1984. Donc avec un État qui surveille tout, qui a supprimé la culture, et qui a mainmise sur tout sur quoi il peut avoir mainmise. Et à travers, enfin, dans cet univers se lève un personnage V, qui donc un personnage anarchiste qui porte le masque de Guy Fawkes, qui a donc masque depuis porté par le mouvement Anonymous, et qui donc se bat contre, essaye, enfin, se bat contre ce régime, et essaye de le détruire. Et c'est Enfin, la critique politique est vraiment magnifiquement bien faite. C'est, enfin, il y a des centaines de citations, tous les dialogues sont vraiment exceptionnels. C'est du très très très bon Alan Moore. Le symbolisme utilisé, tout ce que fait V, la façon dont il agit, la façon dont qu'il a de se battre contre ce régime, et de prendre un personnage sous son aile pour l'inviter à lutter avec lui contre ce régime, est très très bien faite, et très très intéressante, et profonde. Et c'est vraiment une œuvre à lire de toute urgence. Œuvre qui a donc été adaptée au cinéma, dont on vous parlera évidemment dans les grandes longueurs lors de notre émission consacrée à V for Vendetta. Mais Byron, tu peux nous en dire peut-être un petit mot déjà pour. Ouais, bah alors j'ai découvert V for Vendetta en film. Bah, j'ai jamais lu le comics et bah, franchement, j'ai trouvé que c'était un bon film. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais que les acteurs ils avaient très bien joué dedans et tout. Ah oui, c'est. J'avais vu une C'est plus qu'un partie, bon et film. pour le peu que j'ai vu du film, j'ai pas pu le voir jusqu'à la fin, malheureusement, mais en tout cas, ça m'avait l'air, ouais, très bon. Bah, c'est le film qui m'a donné envie de lire l'œuvre originale, en tout cas. Donc, à partir de ce moment-là, je le considère comme réussi. Moi, j'ai pas vu le film, j'ai entendu dire qu'il était, enfin, forcément moins bon que le comics, et j'ai pas vraiment envie de le voir. En général, les adaptations d'Alan Moore sont ratées, et Alan Moore est très mécontent des adaptations de ses comics. Et enfin, le comics, c'est forcément 100 fois meilleur, et il y a tellement plus de trucs, et c'est tellement bien fait, que il faut lire le comic, c'est pas se contenter des films, je pense. Oui, bah oui, de toute façon, il faut le lire. Oui, au moins pour voir la fidélité Ouais. d'adaptation et pouvoir comparer les deux supports. Du coup, Byron, est-ce que depuis tu as lu le comics ou est-ce que tu attends encore un peu? Non, mais je pense que je vais m'y mettre bientôt là. Bah, vu comment Léris en parle, en tout cas, je ne peux que Ah m'y bah. mettre. Oui, il faut que tu t'y Oui, mettes. je pense que oui. Il nous reste encore deux choses à deux mini-séries à vous parler. Une de manière un peu collégiale, ça va changer, puisque c'est vrai que c'est surtout Léris et moi qui lisons et avons lu du Vertigo. Là, on va vous parler de quelque chose que nous sommes quatre à avoir au moins commencé. Encore quelque chose de Scott Snyder, The Wake. Byron, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi ça parle? Oui, alors moi j'ai lu seulement les deux premiers numéros, mais c'est une série d'horreur et de science-fiction. Dans les premiers épisodes, on voit donc une femme qui est recrutée à bord d'un bateau et qui va découvrir une sorte de monstre. Donc voilà, dans le sous-marin sur lequel elle arrive, il y a une créature. Ouais. Ouais, après, je suis au moment où je crois qu'il va l'attaquer. Oui, on se doute bien que tout va partir en couille. Cette créature, juste rapidement, ça a tout d'une sirène, mais version trash. Ouais, voilà, c'est. Ouais, elle explique que c'est. Elle explique que ça a un rapport avec les sirènes, mais enfin, ça y ressemble que voilà, parce donc en que. fait. Voilà, en fait, elle découvre sur place une équipe qui est constituée par une personne spécialiste des mythes et légendes, une personne qui a l'air un peu mystérieuse, à la limite du badass, voilà. Je sais pas, j'ai pensé au Punisher quand j'ai vu cette personne. Je sais pas pourquoi. Elle-même qui est scientifique et une quatrième personne qui est son ancien supérieur hiérarchique avant qu'elle se fasse éjecter du poste qu'elle occupait par le passé. Voilà. Et donc, eh ben, ils comprennent rapidement pourquoi tous les quatre sont rassemblés, parce qu'effectivement, cette créature intéresse chacun des personnages d'une manière ou d'une autre, puisque ça ressemble fort à une sirène. Arnaud, tu en es où toi? Pareil, j'ai vu Épisode les deux 1, épisode premiers. 2? Les deux 2? premiers. Alors, ton avis là-dessus? Et j'ai adoré. J'ai d'ailleurs acheté le premier TPB. Et bah, c'est vraiment prenant. L'histoire est vraiment prenante. Même si on nous distille quelques infos par-ci, par-là, on reste accroché, on a envie de connaître la suite. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est le découpage, en fait. Il y a plusieurs espaces-temps qui se déroulent en même temps. Donc on a le présent où il y a toute l'équipe dans le sous-marin. En même temps, on a quelques cases qui se passent dans un futur. Ensuite, il y a des cases qui se passent il y a plusieurs millions d'années. Et tout ça, je suppose qu'on va découvrir ça plus tard, comment tout ça est lié. Et Oui. ça intrigue vraiment beaucoup. Bah disons qu'en fait, après par la suite, chaque épisode est introduit par quelque chose qui se passe à une autre époque, souvent dans le passé, qui est un peu étrange, on comprend pas trop pourquoi, voilà. Après, effectivement, dans la deuxième partie de la mini-série, parce que c'est en 10 épisodes, on commence à voir un peu pourquoi on nous a parlé de tout ça au début des épisodes auparavant. On comprend bien que c'est lié au passé parce que déjà avec le personnage féminin, avec la scientifique, on a des flashbacks d'un événement qui a l'air traumatisant pour elle. Oui. Et aussi, justement, elle dit que justement une des théories, c'est que cette créature serait liée aussi à notre propre passé, au Oui, propre parce qu'on. passé de l'espèce humaine. Oui, puisqu'on remonte des millions d'années sur un des extraits, on remonte des millions d'années dans Oui. le passé. Enfin voilà, on navigue même ailleurs que sur Terre à un moment, je crois. Enfin voilà, c'est vraiment. Léris, toi, tu en es où? Tu es à jour ou pas? Je suis ensuite au sixième, je crois Ouais. qu'il y a il y a un numéro qui est sorti depuis, je crois, non? Ouais, c'est ça, on en est à 7 pour le moment. Du coup, bah, j'ai pas lu le septième encore. Toi, t'es à jour? Oui. Bah, j'aime bien, je trouve que c'est moins bon Ah, c'est pas American Vampire, hein, ça oui, c'est voilà, sûr. par exemple. C'est vraiment moins bon qu'American Vampire, donc c'est Sean Murphy, et j'aime beaucoup le dessin de Sean Murphy, c'est très agréable. Et sans ça, je sais pas, je vais continuer à lire parce que c'est sympa, mais je trouve pas ça absolument exceptionnel. C'est Et ça. effectivement, on comprend vite ce qui se passe à partir donc de la deuxième partie de la mini-série, pourquoi il y a ces trucs dans le futur et tout. Et je trouve que donc pour ceux qui en sont à ce moment-là ou quand vous en serez à ce moment-là, c'est un peu risqué comme pari et ça, oui, c'est assez risqué et c'est un peu bizarre. Enfin, je pense que ce sera pas une série d'anthologie et que ce sera juste un sympathique comme ça. Voilà, anecdotique, disons. En fait, pour résumer un peu mon avis, c'est on est accroché tout de suite par ces petites introductions à différentes époques et à différents lieux. C'est très intriguant, mais effectivement, à la fin de l'épisode, on n'a pas l'impression d'en savoir plus qu'avant d'avoir lu l'épisode. Enfin, on est vraiment, enfin, moi, j'ai un peu l'impression d'être baladé et de pas encore vraiment voir où est-ce que Scott Snyder veut en venir. Je lui fais confiance, je pense qu'il va nous l'expliquer et que tout va à un moment, et j'espère très vite parce qu'il lui reste plus que 4 épisodes, commencer à se connecter et on va un peu voir pourquoi on a eu tous ces éléments depuis le début de l'histoire. Et je pense que le Les deux derniers épisodes peuvent être vraiment, enfin vont être, c'est sûr, ils vont être, ça va être des épisodes cruciaux pour l'appréciation globale de la mini-série. Après, j'ai plutôt tendance à avoir envie de faire confiance à Snyder, qui va, je pense, nous retourner la tête avec ces derniers épisodes, et on va s'apercevoir qu'en fait on avait tout sous les yeux, et qu'il suffit juste, il suffisait juste d'un tout petit élément pour tout interpréter. Moi, j'espère que ce sera pas un truc tout con ou juste ça va se finir je sais pas comment parler de ça sans spoiler. C'est dur, ouais. Ouais, parce que ça change quand même, l'intrigue change pas quand Ah, même. il y a un vrai tournant au début du sixième épisode. Mais disons, pour pas spoiler, que moi j'ai peur que la fin, enfin d'une fin un peu bizarre, parce que là il lui reste peu de temps pour conclure si, enfin juste voilà, un retournement de situation vu et revu où au final tout se passe bien et ça serait un Ça peu collerait touché pas. quoi. Ça collerait pas avec, ouais, effectivement, avec les attentes et avec ce qu'on a pu nous présenter et nous promettre en tout cas dans les premiers épisodes. Donc à suivre pour la fin. Au moment où ça sortira, on vous en parlera, hein, de toute façon, dans le cadre de nos dernières lectures. Mais voilà, je suis intrigué pour le moment. Je vais aller au bout parce que là, ça y est, c'est bientôt terminé. Il en reste un peu plus que 3 en fait, 8, 9 et 10. Tu sais compter. Oh putain. Ah là là, c'est pas vrai. Te réfléchis jusqu'au bout. Ouais, mais le pire, c'est qu'il y en a encore des émissions après avec toi. C'est con. On continue maintenant que. Bah tiens, voilà, ton interruption tombe à pic. On va s'arrêter avec The Wake. On va passer. Alors rapidement, je vais juste vous parler d'un petit truc. J'ai pas terminé de lire le premier, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Sachez juste que pour cette année 2014, Vertigo s'est lancé dans un projet que je trouve assez cool, d'une série qui s'appelle Quarterly, qui va être donc en 4 épisodes pour les 4 saisons, enfin qui va sortir un peu au rythme saison, au rythme des saisons, voilà, automne, hiver, machin, tout ça. Le premier est sorti là. Récemment, et il s'appelle Cyan, tout simplement parce qu'après on va avoir Magenta, Yellow et Black. Ah, curieux. Et Donc en c'est fait, qui? c'est les quatre couleurs qui servent à imprimer les comics. Donc du Ah. coup, il va faire. Et donc du coup, c'est des épisodes anthologiques, c'est des bouquins anthologiques. Il y a pas mal de pages, hein. J'ai pas, je crois qu'il y a 80 pages pour le premier numéro, un truc comme ça. Ça coûte 7,99$. Ouais, quand même. Et en fait, il y a une dizaine d'histoires, au moins, très courtes, qui ont toutes comme point commun pour ce premier numéro. Le cyan, la couleur cyan. Donc ça peut être clairement dans le dessin, on va voir clairement cette couleur, ou alors ça va être un élément de l'histoire qui va se rapprocher à cette couleur, ou le nom d'un personnage. Enfin, voilà, à chaque fois il y a quelque chose qui se rapporte au cyan. Et donc on va avoir 4 numéros comme ça d'anthologie. Le prochain c'est Magenta. Donc c'est un projet qui me semblait assez cool et que j'avais envie de découvrir. Moi j'ai lu pour le moment juste deux histoires qui sont sympas. Non vraiment, voilà. Donc je vous en dirai peut-être un peu plus plutôt sur le site par écrit quand j'aurai terminé ce numéro 1, mais c'est plutôt sympa. Enfin je trouve l'idée assez cool en tout cas. Ces quatre couleurs. Voilà. On va terminer avec Léris qui va nous parler. Et ben comme ça, la boucle sera bouclée. On avait commencé avec Sandman. On va finir avec Sandman. Donc, Sandman Overture, c'est une mini-série qui vient de commencer chez Vertigo, qui a eu pour l'instant une parution un peu chaotique. Donc, enfin, C'est le moins qu'on puisse dire. c'est donc une préquelle à Sandman. Ça se passe avant les événements du premier tome de Sandman, donc c'est le principe d'une préquelle. Mais ne le lisez vraiment pas si vous n'avez pas lu Sandman. Ça serait pas vraiment d'intérêt. Il y a plein de clins d'œil déjà à des trucs qu'on peut trouver dans la série originale de Sandman. Il y a toute l'histoire est profondément liée, donc il faut au moins avoir lu un peu de Sandman, au moins ce qui est paru en VF pour comprendre. Ensuite, donc comme toujours, je vais commencer par le côté graphique. C'est J.H. Williams 3 qui dessine, donc celui qui a fait entre autres Promethea et c'est Alors attends, faut citer Batwoman, sinon je pense qu'Arnaud Et Batwoman aussi. va faire un malaise ou une crise. Oui, Il a bossé donc sur Batwoman aussi. Donc vous connaissez sans doute son dessin, mais c'est vraiment splendide. Et Ah ouais. les couleurs. Je sais pas si je suis le seul à l'avoir lu ici. Moi je l'ai que feuilleté puisque il me manque encore quelques morceaux de Sandman, donc du coup je veux vraiment avoir terminé les derniers numéros qui me manquent sur Sandman pour. Moi, j'ai pas. Donc j'en suis à la VF en Sandman et j'ai commencé Overture quand même. Je pense que tu peux y aller, hein, ça va. si t'as Ouais. du Sandman. Mais en tout cas, j'ai feuilleté plusieurs fois, effectivement, graphiquement. C'est même les rien que les couvertures, quoi. C'est. Ouais, il y a deux couvertures en plus des alternatives covers, on va dire. Enfin, il y Ouais. a deux couvertures de base A et B. Oui, Par contre, moi je parle de celle de G.H. William 3 hein, quand je parle des couvertures. oui, d'accord. Et elles sont vraiment splendides. Graphiquement, c'est vraiment exceptionnel. Il y a d'ailleurs dans le premier numéro un dépliant qui est vraiment splendide. Mais parlons De l'histoire. oui, voilà, de l'histoire. C'est on retrouve vraiment la patte de Neil Gaiman. Enfin, c'est plus que Dead Boys Detective. On a vraiment du plaisir à retrouver ce qu'on avait trouvé dans Sandman avant. Donc la même ambiance, le même côté sombre et enfin on ne sait pas vraiment et on ne saura jamais vraiment qu'est-ce qui se passe derrière notre monde, dans le monde des rêves, avec tous ces personnages super mystérieux. Et là, on apprend quand même des trucs et on voit des trucs nouveaux sur ces personnages, surtout dans le deuxième, parce que le premier sert surtout à introduire l'intrigue et à comprendre ce qui va se passer dans ces numéros. La narration est vraiment très très bonne aussi, tout pour l'instant est très très bon et je pense pas que ça puisse vraiment baisser de niveau tant Neil Gaiman est dans son domaine et tant c'est attendu du côté des fans. Et donc pour l'instant je le conseille à tout fan de Sandman et voilà, ça ouvre pas mal de portes et montre pas mal de trucs sur l'univers qui sont. Enfin, ça ouvre pas mal de portes, mais ça montre l'univers sous un côté assez plaisant. D'accord. Après, moi, j'ai juste une inquiétude, c'est tout simplement que les lecteurs ne suivent pas parce que publication D'accord. de vraiment bordélique, on a du retard qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Il y a eu 2 mois entre les deux premiers numéros. Là, le deuxième, il est sorti, ça fait je sais pas combien de temps, et le troisième, il arrive pas avant encore un moment. Enfin, on pouvait s'y attendre. Enfin, je pense que J.H. Williams 3, enfin, prend vraiment le temps de faire les choses bien. Ont vraiment envie de pas rater ce truc-là. Je pense qu'ils auraient pu attendre avant de le sortir, qu'il y ait plusieurs épisodes d'avance de près et pouvoir faire une publication un peu correcte, quoi. Parce que du coup, je pense que ça pourra être quelque chose d'effectivement peut-être très très bien, mais qui va passer à côté, dont beaucoup de personnes vont passer à côté à cause de cette publication bordélique, quoi. Surtout pour un titre comme ça, parce que c'est vraiment littéraire et il faut se souvenir des trucs, quoi. C'est Mais le ouais. genre de trucs que tu lis d'affilée. Tu lis un bouquin de Sandman en une nuit et ça marche beaucoup mieux que quand tu lis un chapitre tous les 3 mois, quoi. Évidemment. Et puis on voit clairement en plus dans les ventes du numéro 1 que c'était quelque chose de très attendu, ça s'est très bien vendu, c'était, je sais même pas si c'était pas la première place des ventes sur le mois où c'est sorti, ou la deuxième en tout cas, enfin c'était vraiment très très haut. Et du coup, voilà, il y a une vraie attente du public là-dessus, et il faut pas déconner trop avec la publication, quoi. Eh bien, nous en avons terminé avec cette partie Vertigo, en espérant que Arnaud, Byron et Clément ont survécu à ça. Non, moi ça allait. En plus, je pense que je vais commencer Trillium, 100 Bullets et Quarterly, je Eh pense. bien voilà, Et fait c'était. pour Vendetta. Et fait pour Vendetta, exactement. Merci, Léris, tu as raison de rajouter ça encore sur le. Voilà. Bah, écoute, je pense que du coup, Urban Comics nous remerciera. Voilà, c'était vraiment enfin voilà, si ça donne déjà envie à Byron, c'est cool, parce que ça. On espère vraiment que voilà, ça donnera envie à plein de personnes de découvrir l'univers de ce label Vertigo qui est vraiment très riche et qui propose des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire ailleurs. Vraiment, ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Vertigo, quoi. C'est vraiment quelque chose de. C'est vraiment à part. Et on n'a vraiment que des choses de grande qualité. En général, quelque chose qui sort sous le label Vertigo, on peut presque le commencer sans trop faire attention, quoi. Parce que vous avez bien vu dans toute la liste que des bonnes choses. Et voilà, quelque chose qui est publié sous ce label. Là, c'est quelque chose qui est, enfin voilà, il y a un gage de qualité derrière. Donc on espère que on vous a au moins donné envie de découvrir une série, deux séries, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et en tout cas, on reviendra en détail sur certaines œuvres. Là, on a juste balayé un peu l'histoire et le catalogue de Vertigo. On Comme une femme reviendra. de ménage. Oh Achevez-moi. là là là là. Mais tu vois, c'est peut-être la première connerie que tu dis dans cette émission qui tombe au bon moment et qui est un peu raccord avec ce qui a été dit. C'est bien, tu progresses. Impressionnant quand même, Clément. Ah bah je vous avais pas De menti, hein, quoi? Dédé. C'est impressionnant. Ah oui. Oui. Et voilà. Et donc dire que la semaine prochaine, enfin bon, voilà. On va garder un peu de surprise pour les auditeurs, mais je pense que ça va être dur pour nous. Donc voilà, on a balayé le truc de, on a balayé le catalogue Vertigo et l'histoire de Vertigo. On reviendra en détail sur plusieurs œuvres. La première, ça sera V for Vendetta, dès le mois de juin. Et puis bah voilà, la saison prochaine, on parlera évidemment d'autres grandes séries. American Vampire, sans doute, Why the Last Man. Enfin voilà, des choses fables au moment où ça se terminera, évidemment. Je pense qu'il sera peut-être l'occasion d'en parler. Donc voilà, attendez-vous à ce qu'on vous parle de séries Vertigo et d'artistes qui ont travaillé sous Vertigo. Prochainement. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être pas dimanche prochain. Alors je vous préviens tout de suite, ce sera peut-être pas dimanche prochain. Tout simplement parce que l'émission prochaine est consacrée au bilan de la saison télé 2013-2014. Donc on fera le bilan de Walking Dead, Agents of Shield et Arrow. L'épisode d'Arrow étant diffusé jeudi, on va attendre qu'il y ait quand même quelques personnes qui l'aient vu. Donc peut-être qu'on enregistrera et que l'émission sera diffusée un peu en décalé, peut-être le lundi ou le mardi. Mais en tout cas, on se retrouve dans une semaine pour faire le bilan des séries. Et dans 2 semaines, on commence notre cycle consacré aux 75 ans de Batman. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir, c'est Au bon. revoir. Au revoir.